DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Salut bande de bâtards. Roux, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ta gueule, les sales bouffons. Non mais ça va pas, vous prenez pour qui? Non mais c'est parce qu'on reçoit Kaira Shopping. Ah d'accord, attends, vous m'avez fait peur. Salut les enculés. Ah toi aussi, t'es au courant qu'on reçoit Kaira Shopping? Non, je savais pas. Mickaël n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il sera content. Puis, quitte à mentir aux gens, autant le faire jusqu'au bout. Mickaël n'est pas sur Énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Mickaël sur Pas Énergie. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simplement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, ça va. Très bien. Tranquille. Alors, vous avez été des milliers sur le site, sur Twitter, sur Facebook à demander des nouvelles de ma gorge. Non, tout le monde s'en branle. Ah oui. Non, tout le monde s'en branle. Mais je vais quand même donner des nouvelles. Bah, c'est important que les gens le sachent. Non, mais non, ça on va, sait que tu y tiens. Ça ne va pas mieux du tout. Ça fait toujours mal. 5 minutes après, ça va mieux. Puis après, ça va plus mal. Et puis ça revient. J'étais voir la pharmacie, elle me dit, mais. Elle m'a regardé bizarrement quand je lui ai expliqué tout ça. Elle m'a dit, mais pourquoi vous venez me voir? Bah, pour avoir un médoc, quelque chose. Bah, allez voir un médecin, je oui, pense que vous avez. Excuse-moi, mais ça fait 2 semaines quand même, je te le dis. Hein. Non, non, mais la première semaine, j'avais une extinction de voix. Ça arrive. Non, mais là, en ça, plus, c'est t'as une invasion purulente sur le front. Non, bah ouais, j'ai un bouton. Bah, ça arrive en même temps. Ah, mais c'est peut-être lié. Hein. Bah oui, peut-être. T'es en train de muter. Bon, si jamais il y a un médecin qui peut passer à la radio, ça m'arrange. Parce que... un médecin, c'est mais non, mais j'ai pas de ça. Caisse pour l'instant, c'est relou. Donc j'ai pas envie d'aller à pied. Et puis je sais même pas où il y a des médecins, c'est relou. Au coin de la rue, il y en a partout. Là. Tu passes ta vie sur internet, tu sais pas trouver un médecin. Ouais, non, mais si, mais je préfère qu'il vienne là, tant qu'à faire. Si vous êtes tout près de la rue Boileau, hein, n'hésitez pas à passer nous voir hein, au niveau de ma gorge, n'hésitez pas. Donc hein, 22 rue Boileau, 75 016 Paris, où vous appelez Micha directement au standard, qui sera un petit peu ma secrétaire ce soir. Hein, si vous pouvez passer m'ausculter ce soir, médecin. 0800 70 42 48 voilà. Bon le roux va bien? Ça va. Tant mieux, top. Parfait, toi aussi. Parfait. Des nouvelles du Red Bull, comment ça s'est passé alors hier? Écoute... Puisque hier on l'a bu, enfin tu as bu surtout. Oui, les alors... nouveaux Red Bull, les petites canettes super concentrées, les Energy Shots, ouais. On a bu 5, il fallait pas en boire plus d'un par jour. Voilà, donc j'en ai bu 5 et donc je suis resté éveillé et bien éveillé jusqu'à 5h voire 6h du mat. Et ah oui, quand même. Ah ouais, donc en fait donc je suis rentré, j'ai traîné un peu à la radio, je suis rentré tard, je suis arrivé chez moi, je non, pas... Bizarrement, tu es parti très vite de la radio, oui. Ce qui est très suspect de ta part. Non, je suis pas parti si tôt que ça. Il était devait être ouais, facile 2 heures quand je suis parti. Moins que ça. Ouais, bon, soit, il est parti. Non, mais c'est suspect, quand t'offres part tôt, c'est tôt, suspect. C'est qu'il y a un truc, ouais. Et donc je suis arrivé chez moi, j'ai regardé un DVD, j'ai regardé donc deux DVD. C'était une série, donc bon, ça allait, j'ai regardé 4. La question est, qu'est-ce que tu as fait entre le départ de la radio et chez toi? Et bah, je suis allé raccompagner Paul chez lui, hein, le petit stagiaire Paul, de Polo. Le stagiaire. Très et bien, puis après, ouais, je suis rentré chez moi. Ça, ouais. Et donc, pas avant 6h du mat. Et donc, ouais, non, j'ai pas réussi à dormir. Donc, après les 4 épisodes, je me suis dit, bon, j'ai quand même essayé de dormir. Et donc, je me suis retourné dans mon lit jusqu'à 5h quasiment. Donc, après, j'ai repris le PC et j'ai commencé à surfer, à regarder, enfin, aller sur des sites où il y avait un peu tout cul, et n'importe quoi. Ouais, d'accord, ouais, okay. Voilà ça. Ouais, t'emmerdes pas, on l'a compris. Bah. Et donc, ça marche. Ouais, ouais, ça marche super bien. Et donc, du coup, je suis tombé sur un site. Vous chantez, vous, sous la douche? Oui, bah, on chante tous. Non, ouais. Moi je chante jamais sous la douche, enfin, parce que ça va tellement vite, tu vois. Je rentre, l'eau coule, savon, l'eau recoule, ouais, paf, ouais, je suis sorti. Ça m'arrive, ouais. Ah non, c'est super rapide. Ouais. Et bah, donc du coup, en surfant, hein, puisque j'avais que ça à faire, je suis tombé sur une étude anglaise hein, qui dit que plus de la moitié des Anglais chantent sous la douche. Ouais, donc tout en sachant qu'ils chantent comme des merdes, hein, puisqu'il y en a la moitié de ces gens qui chantent sous la douche qui avouent qu'ils chantent faux. Bah oui, mais c'est le principe de chanter sous la douche. Encore ouais. T'imagines, sinon oui, tu chantes sous la douche. Ouais. Sur, ouais. À l'Olympia, sinon. Ouais, c'est vrai. Et donc bah du coup donc moi ce matin je me suis réveillé, je me suis dit bon allez je vais essayer de chanter sous la douche. Donc là le réveil sonne hein, bien fort, et donc je me lève et j'allume la douche. Tu allumes une douche? Voilà, j'allume la douche. Ah, tu allumes le bruitage de la douche. Oui, enfin t'ouvres le robinet quoi. Ouais, j'ouvre le robinet de la douche. Tu l'allumes pas. Voilà. Ah, il y a même la résonance. Ouais, donc là je l'ai scoulé un peu hein, parce que bon tu sais sinon c'est trop froid et tout, donc après c'est un peu chiant. Par contre, faut que t'achètes des meubles dans ta douche un peu. Bah, c'est une salle de bain, y a pas de meubles. Ah oui, mais enfin, si. Bah non. Par contre, nous, on reste dehors. Ah oui, oui. Ah bah oui, vous restez dehors, vous n'allez pas me mater non plus. Alors, il y a juste le roux qui voudra aller dans la douche non, avec lui. Non, ça va. Donc du coup, là, je rentre sous la douche et là, je me lâche. Je me dis, allez, c'est parti. Laisse-toi aller, bébé. Viens avec nous, viens danser. Pas de problème, une seule idée. Les vacances pour tout oublier. Ouais, c'est une histoire à partager. Confortablement installé. Au secours, on le perd. Et donc là, donc là. Il vaudrait mieux le perdre, hein, ça serait une bonne nouvelle. Attends, non, mais juste, tu peux nous dire ce que tu chantais là? C'était le collectif métissé. Ouais, je sais, je suis pas très bon, mais. C'est pas que t'es pas très bon, c'est que c'est un drame. En même temps, 50% des gens avouent chanter mal, et donc j'avoue, je chante mal. Oui, mais... mais après, je me sentais vachement mieux sous la douche. Et donc je me savonne, je me frotte, machin. Et c'est au moment où je me savonne la top, que ça a dérapé pour devenir... Laisse-toi aller bébé, viens avec moi et viens baiser. Pas de problème, une seule idée. Un doigt... Non, c'est rare. Ah, c'est, non, dommage, c'est parfait. C'est là que ça devait meilleur moment. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, bah, il y avait défoncé et Jacques. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, j'aurais mieux pu m'arrêter. Bon, voilà, mais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai qu'après, ma journée était beaucoup mieux et a vachement bien commencé. Hein, donc demain, j'essaierai avec du Nirvana. Hein. Me, ça ira. Bon, bah, dites-nous si vous chantez aussi, vous, sous la douche. Chandro, tu chantes, toi? Je chante, mais pas sous la douche. Mais je chante, ça, je passe mon temps à chanter. Il vaut mieux que tu restes sous la douche. Hein. Non, sincèrement, c'est mieux pour tout le monde. Et tout à l'heure, je vous donnerai la liste en fait des chansons qui ont été sélectionnées pour être les soi-disant les meilleures chansons pour chanter sous la douche. Très bien, ouais. Le shower hit. On en parlera dans un instant. On aura aussi le faux JT ce soir et puis bien évidemment des nouvelles de notre ami. Pourquoi Walid, pourquoi qu'on a découvert hier. Tu m'as fait blesser. Et il faut savoir que Pablo des Mexicains est fan. Il écoutait ça dans le bureau. Mais c'est gigantesque. Franchement, je vais vous décevoir. Ça t'aime pas, toi? Si. Mais Sandro, elle a trouvé l'original. Ah, il l'a pas écrit? Non. Non, bah non. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est pas trouvé, c'est un auditeur qui m'a envoyé. Guillaume, ouais. Merci à toi, Guillaume. On va t'envoyer un cadeau. On essaiera de le passer un petit bout tout à l'heure. C'est Maria Mena qui chante à la base. Je suis dégoûté. Je pensais que c'était une création originale de sa part. Non, mais si, attends, parce que les paroles, c'est pas ça à la base. Hein. Ah oui, heureusement. Voilà. Non, mais quand même. Ouais, il a juste pris un instru, quoi. Il a avec ce qu'il avait. Ah oui, mais quand même. Okay, d'accord. Voilà. Non, mais il a juste pris l'instru, mais bon. Les paroles sont originales. Voilà, les paroles sont originales. Du moins, je pense, en fait. Bon, et puis, qu'est-ce que je vais dire? Oui, faut JT qu'on l'album de 30 Seconds to Mars. Il y aura un nouveau single aussi de Lost Prophets que je vais vous passer tout à l'heure. C'est un auditeur qui me l'a envoyé il y a quelques jours. Et puis Facebook et Twitter, si vous voulez venir nous rejoindre, pareil sur le site mikl.fm, puis vous cliquez sur la communauté tout simplement pour venir discuter avec tout le monde. Et comme ça, vous serez tenu au jus pour le lancement de la nouvelle web radio, donc MIKL Rock Station. Et puis comme on vous en parlait également, Kaira Shopping qui sera avec nous. Ils sont déjà arrivés. Wesh. Ils sont pas loin, ils sont derrière, ils s'installent tranquille à la cool. Et puis le répondeur, comme tous les soirs, au 01 40 71 3400. Écoutez les messages que vous avez laissés. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Hey, salut l'équipe. Détendez-vous, vous avez quelques moments pour vous détendre. Alors, la RATP, reste assis, te payer. Sinon, t'as MCCF. Sans nous, les cafés seraient fermés. Sinon, t'as le bac, brevet d'accès au chômage. T'as quoi? Le fisc. Fédération incomprise de sadiques criminels. Si on a quoi d'autre? CGT, cancer généralisé du travail. Bisous l'équipe. Fin du message. Message suivant. C'est beau quand même, hein. Les Mexicains, ils ont fait, je crois, le pire petit ciné qu'ils ont jamais fait. Et je rappelle que la semaine dernière, ils n'ont pas fait de petit ciné non plus. Donc, ils se la coulent douce en ce moment, les Mexicains. Ouais, en plus, ils avaient dit qu'on en fera un bon cette semaine. Ben non, pas du tout. Pire, ils ont même parlé d'un film qui était sorti la semaine dernière et qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas parlé. Fin du message. Message suivant. Si vous pensez que Sandro sortira au moins une fois dans sa vie du McDo avec les mains propres, il y a une explication pour ça. Si vous espérez que Sandro ne se laissera pas madouer par un Kit Kat aujourd'hui, il y a une application pour ça. Et enfin, si vous pensez que Sandro fera au moins une fois pendant un jour un vrai régime, il y a une application pour ça. Et l'acte d'espoir. La nouvelle application pour iPhone. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'était juste pour dire, le Père Noël, c'est un rébatteur. Il esclave des petits nains, des petits vieux. Et la Mère Noël, il se la fait tous les soirs. Avec sa petite queue, et je suis sûr qu'il viole les petits nains. Ouais, c'est un gros bâtard, moi, je dis. Fin du message. Message suivant. Oh. Oui, Mika, j'ai un truc pour toi. T'as besoin d'herbe médicale? Ben moi, j'ai. C'est trop frères du Maroc, ils sont venus gagner ce matin. Alors il suffit qu'ils vous fassent gagner et tu auras ton air à moitié prix. Rappelle-moi. Fin du message. Message suivant. Je crache ma haine. On dirait Micha. Bon, on va faire gagner le. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Hein. Voilà, il était c'est pas mal. Hein. Il était pas mal. Il y a de l'espoir. Pas mal, pas mal. Micha, on fait gagner celui-là. Pas de problème. Le dernier était pas mauvais. Hein. Ouais, mais non. T'as ouais, pas demandé ton pas avis, je crois. Exactement, exactement. On n'a pas demandé. On n'a pas demandé son on avis. On peut faire gagner les deux, ceci dit. Hein. Non. J'ai bien réfléchi, non. Non, non. Enfin, sauf si tu payes de ta poche. Non. Bon, c'est, non, c'est ce qui me semblait aussi. Je suis l'animateur. C'est ça, ouais. Mickaël, le podcast. On va cogiter maintenant avec nos grands reporters, hein, comme d'habitude. Notre ami Sandro Héroux, 21h22, c'est parti. Nous sommes en décembre 2009. Bonsoir à tous. Information exclusive, Johnny Hallyday est au top de sa forme, il a été vu en train de faire un jogging. On remercie Jean-Pierre Elkabbach pour son information. États-Unis, 9 jours seulement après avoir envoyé 30 000 nouveaux soldats en Afghanistan, Barack Obama est parti chercher son prix pour la paix. On lui souhaite un joyeux Nobel. Télévision. Pour le Téléthon, France 2 a décidé de rajouter un peu d'humour dans son émission. Ce n'est que l'année prochaine que l'on pourra voir le Mio Pacho. Et People, pour finir, Whitney Houston vient de chanter à Moscou son ancien tube I Will Always Love You. Les critiques parlent d'une catastrophe douloureuse. Ah, décidément, Houston, on a un problème. On continue avec les People, mais en France cette fois. Après avoir chanté avec Snoop Dogg et le 113, Jamel Debbouze a décidé de retourner en studio. Effectivement, il va reprendre le tube Lève les bras, balance-toi. Mais non. Voilà pour le faux JT de ce soir. Donc comme tous les soirs, comme toutes les semaines d'ailleurs, il reviendra évidemment la semaine prochaine. Pas et sûr. Puis dans quelques instants. Comment ça va, sûr, sûr. C'est de plus en plus dur, c'est ça? Non, mais on était fatigués. Ouais, ouais, oh. C'est ça, ouais. Bon, j'ai reçu un message sur mon Facebook avec un auteur qui. Bon, il a peut-être été déçu, je sais pas. Vivement ce soir pour le faux JT. C'était marqué hier soir sur le Facebook. Super. Non, mais c'est bien. Il y a des gens qui sont fans du faux JT. Bah il en faut hein. Bah oui, je te confirme effectivement ouais. Bon, dans un instant on aura Kaira Shopping qui sont en train de remplir un questionnaire. Ils ont déjà triché oui, si c'est ça que tu veux savoir. Très bien. Ouais, mais j'ai grillé qui étaient ils étaient en train de tricher au jeu des amis là. Mais vous inquiétez pas, je vais m'arranger comme il faut, pas de problème. Bon, on parlait de la douche aussi tout à l'heure hein, ouais. De ceux qui chantent sous la douche. Toff nous a fait un exemple hein, qu'on aura peut-être pas du faire, ouais. Pas c'est, du faire, en fait, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais donc du coup, je me suis dit qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc c'est Burger King qui avait commandé l'enquête sur. Mais pourquoi ils commandent une enquête là-dessus, j'ai, Burger King j'ai pas trop compris. Alors au début, je me suis dit c'est pour sortir un CD ou machin, mais en fait, c'était pas comme expliqué. Comme si Leroux commande une enquête pour les déos. Ben, c'est, ouais, c'est un peu ça, mais donc j'ai pas compris. Mais donc du coup, donc Burger King qui a fait cette enquête, ils ont demandé à un coach vocal de sélectionner les meilleures chansons pour chanter sous la douche. Oh là là là là. Et donc bon, il y en avait une dizaine, et donc j'ai gardé les 5 meilleures. Et donc je propose que ce soit Roux qui aille le premier sous la douche. Hein. Bien sûr. Bon, c'est lui qui en a le plus besoin. Donc apparemment il y va avec toi. Ouais. Non parce qu'il y a que mon micro qui va sous la douche. Non, mais c'est pas des micros, c'est on vous est êtes sous dans la douche. Douche. Ah oui, vous êtes sous la douche. Allez viens Roux, viens on chante. C'est quoi? C'est la chanson. Donc oh, il va vous falloir... êtes mignon sous les douches à deux. Ouais. Donc il va falloir deviner la chanson que le roux va chanter. Allez. Bah, attends, on commence. Je la connais, donc on commence pas au premier. Ouais, commence où tu veux, on s'en fout. Ouais. Oh là, quelle horreur. Faut que vous reconnaissiez la chanson. Ouais, on a bien compris. Mama, just kill me. To the game against his death. Et ça te va très très bien, Queen. Mama, life is just bigger. Oh, Queen. Non. C'est sympa parce que j'ai, c'est Queen. J'ai des chansons pour les vérifications, mais c'est pas la bonne là en l'occurrence. Mama, oh, oh, ah, oui. Non mais on l'avait trouvé. Hein, c'est pas. Bohemian Rhapsody. Ça. Voilà, Bohemian Rhapsody, ouais, effectivement. Mais c'est bien Queen, ça te va parfaitement. En plus sous la douche et tout avec Toff, on est au top. Ouais. Donc du coup j'en ai pris une deuxième. Oh, tout de suite. Ouais, pour Sandro. Hein. Ah c'est pour Sandro. Très bien. Ah ok. Tout le monde va sous la douche quoi. Bien sûr, tout le monde va passer sous la douche. Je la connais pas. Bah si, tu m'avais, je t'ai demandé. Ah mais je m'en rappelle plus. Oh bah, là là là, je te jure. Allez. Bah sinon je vais faire la mienne. Une que je veux. Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, va nous faire Walid. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien vrai. Chut. Oui. plus fort. Oh là là là là là là. If you look inside your heart, un indice, elle a le même cul que Sandro. C'est Maria Carré, mais elle n'est pas dans le classement. Oui, effectivement, ça marche. Parce que... c'est bon, Sandro, c'est bon, on sort de la douche. C'est bon. Donc en fait, la vraie chanson qu'elle aurait dû faire, c'était Black Eyed Peas avec I Got a Feeling. Mais enfin, tu connais pas ça. Mais j'ai pas capté. C'est de l'anglais, hein. J'ai pas capté que c'était ça. Il y a le titre. I Got a Feeling. Ouais, ils sont en retard maintenant. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vais vous en refaire une autre. Hein, parce que mais c'est pas obligatoire. Après, hein. Ah bon, d'accord. Allez. Bon, bah non, Mike, alors. Mike, j'en ai une pour toi. Il faut pas se sentir obligé. Ouais, mais je peux pas. J'ai ma gorge. Bah si, parce que sinon, c'est moi qui chante. Bah chante alors. Je propose un coup de Walid. Un coup de. Dans la douche. Walid dans la douche. Ouais. Je peux mettre Walid dans la douche. On peut essayer, hein, Walid dans la douche. Je mets Walid dans la douche. Hop. Allez, vas-y, on n'est pas dans la douche, on est dans les chiottes là. Ah mais Walid dans la douche. Il y a l'eau et tout. Tu sors avec Chris, tu m'as dit pas ça. Tu sors avec le bel amour de toi. Allez sans pourquoi te fais malsain. On va faire un blédard musicteur. Donc ça par contre. Ça peut être pas mal. Oui, Sandro, elle s'emballe. Dès que ça démarre sur Walid, elle démarre, elle s'emballe. C'est ça, ouais. Donc ça, par contre, non plus, ça n'était pas dans le classement. Non. Donc la suivante, c'était donc I Just Called de Stevie Wonder. Ouais. Et la dernière. Et la dernière, c'est Elton John. Comment tu peux chanter ça dans la douche? Vas-y, Toff, vas-y. Friend. Non, il vaut mieux pas. Tu sais, Sandro, c'est un... Ce serait dommage de se tirer une balle dans le pied comme ça directement. Mais nous, franchement, je chante pas ça dans la tête. Mais moi non plus, je chante pas. Enfin, je chante c'est pas, des anglais, hein, qu'on c'est des anglais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des des anglais. C'est vrai. Mais vous et chantez quoi dans la douche? Et on a toujours une chanson qu'on fétiche dans la douche. Non, moi c'est la dernière que j'aime bien en date. Ouais, c'est quoi, c'est que tu viens d'entendre, un truc comme ça. Celle de Shakira, Loeco, je sais plus quoi. Allez, un petit bout de Jack. Non. Loeco. C'est le bas. Non, c'est la nouvelle. Encore la nouvelle. Need Again. Ça c'est Britney Spears. Ouais, Outside the Game. Ah, c'est pareil. Je suis resté Keblo sur Lucide Alliage. Ah oui. Ouais. Attends, on peut couper le robinet parce que ça m'en fout là. Ah bah oui, on est sous la douche. Bah oui, je sais, bon, enfin bon, coupons le robinet, on commence à avoir la pompe de la salle de bain et puis voilà, il y a maman sur les trottines. Et donc ouais, donc la dernière c'est Candle in the Wind. Oh là là là là, putain, mais il faut bien être anglais pour chanter ça dans la douche. Mais attends, c'est un des plus gros tubes de l'industrie musicale ça. Je dis pas le contraire. Mais quand même. Tu chantes ça sur ta douche ou tu... Je sais pas parler anglais. Non mais même le matin. Oui bah peut-être je fais. Bye, Candle in the Wind. Chante en yaourt. Diana le matin quand tu te lèves. Ah ouais c'est clair, putain c'est l'angoisse. Hein. Quoique le poteau je l'ai hein, le matin. C'est l'angoisse. Bon dites-nous si vous chantez un truc sous la douche, on en parle dans un petit instant. 612, débutez votre message par énergie, vous laissez votre numéro de téléphone. Voilà et maintenant avec tout ça, donc vous pouvez devenir des vrais chanteurs sous la douche. Wow. Ouais juste un dernier conseil, évitez quand même de chanter Lara Fabian, hein. C'est juste au cas où votre miroir serait trop près de la douche avec... Mais comme ça il se cassera pas, il faut arriver dans un dans des fréquences bien précises hein, pour que ça se casse. Hein. Mais voilà, donc il y a flinguer les oreilles. Hein. Ouais. Ça me fait plaisir. Après la gorge, les oreilles, c'est pratique. Mickaël, le podcast. Et on est là tous les soirs, ouais, 21h minuit, vous lâchez toujours vos messages. 612. Shopping, ils sont venus avec leur ours. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et malheureusement, on va devoir le mettre dehors. Hein. Je suis vraiment confus. Non, mais ouais. Bon, Kaira Shopping qui sont avec nous ce soir. Hein. Abdelkrim, Mousten et puis le dernier qui n'est pas là. Non. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça, on voulait ça faire va. Des dédicaces ouais. D'abord à tous les gens qu'on connaît. Alors, tous les obligé. Gens qui nous ont reconnus, tous les mecs du 7-7. Rassurez-vous, moi, tout le monde vous aura reconnu. Hein. Moi, je sors un blast déjà parce que sinon, il va m'attraper, il va me défoncer. Thierry, le plus grand voleur de portable de la capitale. Voilà, moi j'ai voulu faire aussi des dédicaces à tous les gens qui m'ont reconnu. Voilà, Jess, ma sœur, nanani, tout le monde se reconnaît. T'as vu voilà. Le petit côté Skyrock voilà. Qu'il y a dès qu'on arrive un peu. Ouais, t'as vu un peu, c'est pas mal. Mais on a tous dédicaces à passer. JM. Donc, alors, c'est malheureux parce qu'on avait prévu des trucs pour vous et tout, mais bon, là, avec les dédicaces, on a pour une petite demi-heure. Allez, on t'écoute. Bon, comment ça va, les gars? Donc, en pleine forme? Ça va, là, on a eu une dure journée. Ouais, dur. On s'est réveillé, il était quelle heure hier? On est surtout en meilleure forme que la dernière fois qu'on est venu ici parce qu'il était 6h du mat. Ouais, ouais c'est dur le matin. Ouais. D'ailleurs, l'occasion pour nous de remercier. Nikos. Bah il est là Nikos. Hein. Salut les loups. Salut, oh merde. Ah ouais. Vas-y refais encore. Il est... Ça va les loups. Là il est là tout le temps. Hein. On va faire un clash là. Donc voilà, donc faites gaffe, vous êtes surveillé par le patron. Hein. Je regarde, vous avez intérêt à être bon ce soir, parce qu'on se retrouve demain entre 6h et 9h. Ouais, j'ai caché quelque part, elle fait du simultané là. Hey, Nico, c'était où? Voilà, donc ce soir on reçoit, comme vous avez pu remarquer, donc Carrière Shopping, hein, les mecs de la nouvelle pub Pepsi. Bon, et bon après, ils font pas que ça non plus. Ouais, hein, mais, ouais. ils font pas que ça non plus, effectivement. Pas trop dur la pression du 16e là comme ça. Non, regarde, je me suis mis en mode, moi je suis venu avec un caban. Tout le monde pensait que j'étais prof. C'est déguisé en mec bien pour venir. Pas se faire agresser dans le 16. Bon, en tout cas, on peut dire une chose, vous êtes très présent sur le net. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ouais. On parle que de vous sur le net. Oh, ouais. C'est gentil. On parle que de vous non, sur le net. Non, c'était pour dire, il n'y a pas que sur le net. Hein, là, vous... Ah ouais, bon. vous victimisez le pauvre Nikos hein, tous les matins dans le 6-9. Hein... On l'aime bien. On l'aime. Le pauvre... Pour arrondir vos fans, moi, paraît-il. Pour rentrer à la Starac, surtout. Parce qu'il paraît qu'il y a des dossiers, ça va revenir, on ne sait pas, nanani, nanana. Ah, tu veux faire la Starac, c'était ton... ça a toujours été ton rêve hein. Ouais. Démonstration, ouais, démonstration Daniel Guichard. Mon vieux, pendant une avec un homme. Moi, c'est vrai, j'ai des dons. Ouais. Hein, vas-y, balance-toi les blazes, là, que par je contre, peux la raconter un peu. J'ai déjà un plan pour le premier hein, de la Starac. Je sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler, un mec qui s'appelle Walid. Pourquoi ouais. te fais ça? Allez, sans pourquoi te fais ça? Tu m'as fait blesser. C'est un mélange de je sais pas quoi. Mon amour. C'est un vrai ça, c'est idiot. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah Walid, c'était la deux. Ah non, il était pas la star. C'est un vrai chanteur. Enfin, un vrai chanteur. C'est une vraie personne, quoi. C'est une vraie personne. En vrai, c'est un blédard qui a fait ça dans un cybercafé. En tout cas, ça fait plaisir. On arrive en terrain inconnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personnes. Comme et armé. Armé, ça fait flipper quand même. Armé. Enfin, moi, personnellement, j'ai mis mon téléphone portable dans ma poche. J'ai gardé ma veste sur les épaules. On sait jamais hein. Bonsoir bon. À toute la France, bonsoir à la Corse, bonsoir à tout le monde. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord juste vérifier si vous vous connaissez bien avec le jeu des amis. Bon, alors, on n'a pas triché, y a pas de problème. Sur le Coran. Je sais que la première page, je vais pas la faire parce que vous avez oh triché. Merde. Mais non, de toute façon, t'inquiète. On a triché partout. On a commencé à l'envers, on savait que t'allais savoir que la première, donc on a commencé par la fin. C'est ça. Pour la première. Bon, très bien. Qui c'est qui avait rempli les fiches, au fait, d'ailleurs? Non, parce que là, tu vas tailler sur l'écriture. Alors, on dit pas qui c'est. Parce que c'était sur mes genoux avec un feu, sale chien. Bon, puisque vous êtes deux, ça va être facile. Quel est son style de musique préféré? Attention, je vérifie que personne ne souffle. C'est quand même simple, hein, tu regardes la personne, quoi. C'est le hip-hop. C'est le hip-hop, oui, bonne réponse, effectivement. Ah, c'est super dur, ça. Ouais, je sais, mais c'était comme ça pour s'échauffer. Hein. Attends, t'inquiète pas, va. Sa revue préférée, la même que Toff. La revue préférée, à la même que Toff. Ouais. Alors moi, je ouais. sais celle de Toff, mais celle de mon pote, je sais pas. C'est haute machin, là, haute vidéo. Ah ouais, haute vidéo. Il fait comme s'il connaissait ouais, pas. Ouais. Ouais. Alors, c'est de la comédie. Alors, tu l'as vu sur l'affiche, hein, mais bon. Où est-ce qu'il a rencontré sa meuf actuelle? Ah, une jolie dans chaîne musicale, MTV. Très bien. Tu vois. Okay. Ah bah vas-y, donne un nom, parce qu'elle est quoi, vas-y. Elle est animatrice. Non, t'inquiète. Non, peu importe. Faut savoir. Franchement, si je balance le blaze, là, les mecs, ils vont dans les toilettes là-bas direct. Ça commence bien. A-t-il déjà une relation... Je vous prie de m'excuser, MC. A-t-il déjà une relation sexuelle à plusieurs? Oui, évidemment. Oui, très bien. Alors, des noms. Là, par contre, on veut des noms. Est-ce que tu as participé? Non, absolument pas. Non? Non, non, on est... Mais la dernière fois, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, ça serait bien si on pouvait ken une meuf. Non, c'est pas vrai. C'est ma soeur. Je te jure que c'est pas vrai. Est-ce que tu m'entends? C'est pas vrai. Non, moi c'est très... T'inquiète. D'accord. Je peux pas dire... La masturbation, combien de fois par semaine? Toi c'est quoi? 5. 5 fois Franck. Allons 15 quand même. Hein. Ah ouais, le 1, je t'avais pas bien... Cela dit, 15 fois... Même Toff, je crois qu'il y arrive. Montre un peu. Ah, elle bosse beaucoup, si. Non, c'est pour ça qu'il est détendu. Ça va, il y a même pas, il y a rien là. Très non, cool, mais sans déconner, là c'est un sujet super sérieux. Ça te met dans une ambiance de. Comment ça fout la pression d'un coup? Non, mais sérieusement, parce que ça. Mais tu te lébranles le matin, tu te lébranles. C'est mieux, ça, tu peux dire. Non, exactement, je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est surtout que ça. Au taf. Non, mais ça décale. Quand on vient le matin à 6h du mat pour voir Nikos, ouais. C'est ta goal du matin, elle est décalée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as ta goal à 10h. Si soit t'es, tu vois bah ce oui. Que dire. Il est 21h39, 17. Mais donc, dites-moi, parce que moi je vois pas à cause de l'écran, s'il y a un moment ou un autre vous ne voyez qu'une main, c'est qu'il a juste envie d'être à la cool. Voilà, aussi simple que ça. Il se détend pendant l'émission. Exactement. Quel est son objet fétiche? objet, objet ou quel est le truc fétiche qu'est, qu'est-ce qu'il kiffe chez une meuf. Ouais, bon, ok, d'accord. Quel est son fétichisme, c'est ça? Quel est son fétichisme? Ah, d'accord, les yep, les pieds. Si tu peux présenter une nana magnifique, Miss Monde, je sais pas quoi, si elle a des. Si elle a 5 pouces, c'est mort. 5 pouces, c'est fini, quoi. Ouais, les meufs à 5 pouces, c'est mort. Les meufs qui ont des yep d'hommes, c'est mort. Je dis à toutes. Quelle horreur. Non, mais franchement, réfléchis. Ça fait rappeler un film d'ailleurs. C'était quoi le film avec Eddie Murphy? Tu l'as eu dans notre vidéo celui-là. Ouais, non, non, non, non, moi je te dis, moi c'est la. À quel âge il a arrêté de sucer son pouce? Ah, il a pas arrêté. Ah, il a jamais arrêté? Non, non, non, des fois je le crame comme ça. Le pouce, il a arrêté. Le... Oui, oui. Le pouce du ah, ouais, Yep. Des fois, je... C'est le pouce du Yep qui est. Non, c'est... non, il a pas sur quelle star française est-ce qu'il est en kiff? Bon, elle est plus vraiment française aujourd'hui. Hein. comment ça s'appelle? Shakira. Allons, Katsuni. Shakira, elle est française. Elle est pas jamais. Ah non, non, je les ken les Shakira, deux. Shakira, hein, c'est celle qui veut et Katsuni, c'est sa meilleure amie, c'est ça, je crois. Ça, voilà comment crame qu'il a vu les questions. Sale bouffon. Pourquoi, sa meilleure amie? Pourquoi c'est très fluide de parler comme ça, sa meilleure amie. Bien sûr, bien sûr. La couleur de sa voiture? Grise. Très bien. Et la marque depuis qu'il travaille dans le 6-9? Merco. Voilà. Non, Merco. C'était avant. Depuis que je suis dans le 6-9, je suis en chien, c'est une classe A que j'ai maintenant. Ah ouais, on va te plaindre, tu veux qu'on verse une larme? Oh, si, si, là, on te croit que tu bosses sur énergie. Ouais, ouais, ouais, après, oui, ça c'est. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir encore en News d'Arblash Nazar avec Magic Club. Excuse-moi, j'avais envie. Hein. C'est pas grave, c'est un vieux fantasme. Bah écoute, fais-toi plaisir. En plus, t'es avec ton pote qui se branle tout le temps. Ah, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit de fermer ta gueule. Hein non, non, vraiment, faites-vous plaisir, hein, les gars, y a pas de problème. D'accord. Bon, finalement, on se rend compte que soit vous vous connaissez bien, soit vous avez bien triché. Les deux. On se connaît bien. Je crois qu'il y avait un peu des deux dans l'histoire. Hein. Oh. Tu es mon ami. Non, je crois qu'il y avait vraiment un petit peu des deux. Il y a vraiment un petit peu des deux. Bon, ce que je propose, il y a un petit message qui est arrivé. Tiens, un mail. Attends, je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Voilà, je ne sais plus. Voilà. Message de Mathieu qui dit question pour Carré Shopping de la part de Matt. J'aimerais qu'ils expliquent un peu leur dose avec Pepsi parce que j'ai vu la pub avec Pepsi, mais je pige rien. Ah alors, vas-y, Franck, t'as réalisé. Je vous présente les réalisateurs sur la gauche. Moi, j'étais comédien. Du coup, je me détache complètement du sujet. Franck, pourquoi t'as fait un format comme ça? Non, il a est-ce pas que compris la pub, c'est vrai? Il a pas compris la pub. Merde, c'est simple. Vous avez compris, vous? Moi, j'ai pas vu la pub. Ah merde. Ça fait plaisir. Non, moi, j'ai vu. Bon, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de trois petits gars. Abdelkrim, Oustaine et Momo, Momo qui est dans la canette. Et qui a un peu. Voilà, et on vend de la canette. Non, non, mais la vérité, tu sais, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, tu sais, les gens qui sont vraiment street, ils disent, ouais, c'est pas bien, maintenant tu fais de la pub, ça veut dire, maintenant t'as vendu ton cul. Tu sais, les gens, ils sont comme ça, tu vois. Alors que bon, aux États-Unis, c'est Puff Daddy qui fait la pub, Beyoncé. Et ça, ça dérange pas. Non, mais ça, ça dérange pas. Bah non, mais c'est juste à un moment, ça, tu commences à avoir du mal à trouver des raisons de ne pas la faire, la pub. Tu vois. Oui, bah clair. Oui. Combien? On parle pas du chèque. Combien? Allez, Franck, allez, Franck. Non, mais allez. En gros, si c'est le jambon madrange qui vient de dire, ouais, ça serait cool que vous fassiez la pub pour le jambon madrange, c'est relou. Le jambon. Mais non, tu quand le fais. Quand c'est Pepsi, tu vois, c'est mortel. Merci Pepsi, quoi. Merci à tous pour le chèque et à très vite. Je l'ai dit, un message pour Madrange, le roux, je m'en fous. Ouais, je m'en fous, moi. Alors, Madrange, Durex, Pepsi, la boisson du quartier, s'en bat les couilles. Tu veux, tant que ça paye. Je m'en fous. Il faut que ça paye. Ah, faut que ça paye, ah, ouais, même c'est les clair. Bombes funèbres, le roux, il est prêt à les faire. Ah oui, oui, oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ce qu'on va faire dans un instant, c'est que déjà, on va faire une pause. On est sur énergie, il faut bien ramener un peu d'oseille. Puis déjà, on a fallu vous payer, hein, parce qu'ils prennent quand même 10 000 euros pour venir ce soir, hein, c'est chiant. Non, non, mais. Donc t'imagines combien ils ont pris pour la pub Pepsi, hein. Et pour venir tous les matins dans le 6-9. Ah ouais, en plus. Ah ouais, je confirme. Non, attends, bon, on est là que le lundi pour l'instant, tu sais. On revient. Ouais, ouais, ah ouais. Bon, ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens, ça. On n'avait pas assez pour les autres. Ça fait une semaine qu'on prend le parking, hein, par contre. Parce qu'on n'a pas de van pour le reste de la semaine. Ah ouais. On a des vannes que pour le lundi pour l'instant. Cherchez pas, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas les moyens pour le reste de la semaine. C'est vrai. Il n'y a plus. Mickaël, le podcast. On est toujours avec Kaira Shopping. Là, on rappelle le principe de Kaira Shopping. Donc, trois lascars des quartiers qui présentent un téléachat, le vieux programme télé par excellence au final. Ah mais moi je dis des choses, hein. Ouais. Mais ils le font à leur sauce avec des objets tombés bien du camion. On peut dire ça comme ça. Alors nous on a essayé de pousser le concept encore plus loin et on a imaginé le Kaira JT de TF1. Ouais. Salut bande de bâtards. Bande de bâtards, bonsoir. Salut à Rosel Tac Tac, t'as vu? Ouais, je t'archacale, bien bien. Bien, t'as vu? Bon, bienvenue dans le Kaira JT de TF1. TF1, t'as vu, ça veut dire numéro 1 tueur de flics, ok. Alors aujourd'hui, il va y avoir du lourd dans sa mère, dans le sommaire. Un truc de ouf, t'as les codés, ils ont fait une grosse prise de bande d'enculés, va. Ouais, ils ont ramené Roselyne Bachelot, mais ils l'ont relâché à la mer, t'as vu? Ouais, grave. Eh non, sérieux, ils ont perquis les narines de Samina Seri, ils ont pêché 3 tonnes 6 de coco. Et pour finir, On va t'aimer le reportage de ce bouffon de Jean-Pierre Pernod Ricard, t'as vu? Ah, t'inquiète, les régions, ils ont du talent. Aujourd'hui, c'est un fabricant de bombes artisanales. Il fait tout à la main avec du matos de récup, t'as vu? En plus, c'est un métier qu'il faut préserver, la putain de sa race. Il y a de moins en moins, vu qu'ils finissent tous par péter. Voilà, et puis on commence avec un sujet verbe complément sur les nouvelles pratiques sexuelles à la mode chez les jeunes putes des quartiers. C'est la tournante dans une VK. Vas-y, c'est Tipar, la refaire. Voilà, bon. Eh, c'est mortel, il y a juste un truc, c'est bâtard. C'est une bombe lyricale, bra bra bra, faut que tu t'entraînes. Bâtard. En même temps, j'ai une bouche de babouin, tu sais. Tu Bon, vous en avez pensé quoi là? Bah, bien, franchement, mortel, on a peur de repartir la queue entre les jambes, quoi. Ouais, voilà. Ce qu'on fait, tout le monde sait le faire, ça fout l'archement. Voilà. Si vous voulez l'ajouter pour vos prochains DVD, on fait pas cher. Non, clash tout de suite, vas-y, balance le sommaire, allez. Tu savais que la musique d'intro là de TF1, enfin du journal, c'était la musique des Dents de la Mer. Avec un ton en dessous, ouais. Il y a un mec en fait qui s'est amusé à reproduire le truc. Et effectivement, ouais, c'est pile poil les Dents de la Mer, quoi. Ouais, c'est, je viens de le dire. Bien les boules avant. Il l'a dit avant toi, t'as raconte pas, c'est un chien. Je confirmais. C'est un truc, quoi, tu rechanges après sa vidéo avec lui. Sale chien. Non, bravo, messieurs, dames, bravo. Non, bravo, vraiment. Sandro était dans son personnage. Elle était pas dans un personnage, c'était elle-même. Voilà, elle était bien comme ça, c'était parfait. Retour aux sources. On sent le naturel qui revient en galop en fait. Il y a un conditionnement de la société. Tu t'efforces dans la vie et puis là tu te lâches, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il nique sa mère à Michel Leb, Abdelkrim? Ah bah oui, oulala. Michel Leb, si tu nous écoutes, mon pote Abdelkrim, il te défonce, il te clash sur n'importe quelle voix. Voilà. Écoute bien. Démonstration, l'Africain. Alors l'Africain Michel Leb ou l'Africain normal? Ah non, ton Africain toi. Bon, déjà, Michel Leb, bon, je vais te parler un peu, parce que quand tu parlais à l'époque avec la mode africaine, on aurait dit que tu te moquais de nous, vraiment. Je me souviens un peu de ça ou pas? Tu faisais les narines, c'est des lunettes et tout ça, ce sont pas des choses. Sale chien, Michel Leb. Ce sont pas des choses. Sale chien. Vraiment, tiens, sale chien, quoi. Tiens, sale chien. Le chinois, le chinois. Michel Leb ou? Non, toi. Alors, Michel Leb, il faisait la chèvre, lui, quand il faisait le chinois. Toi, c'est pas comment tu commences pour m'afficher la gueule, non? C'est toi, c'est prends-moi pour un con, moi, c'est défonce-toi demain. Ouais. Et attends, et la nouvelle. C'est pas mon nom, merde. La nouvelle génération d'imitateurs, c'est Shuriken. Ben, en fait. Au départ. Non, en fait, quand j'ai démarré au départ sur les radios à Marseille, bon, c'était souvent dans le quartier de la Belle de Mai. Et le souci, c'est que les radios comme vous, à l'époque, ne refusaient de diffuser notre premier album, nos premiers opus qui, à l'époque, étaient. Ah, attends, j'ai entendu un petit... Marseille. Avec un petit... Tiens, je vais te faire le Mia là-dessus, tiens, pas mal. Version accélérée. Parce que Énergie ne connaissent que le Mia. 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et des mecs rentrés. Stan Smith au pied, le regard froid. Ils scrutaient ça, le truc. Excusez-moi. Non, c'est à l'ancienne parce que nous, les trucs, c'était plus hardcore maintenant. Bon. T'as oublié les paroles depuis le temps, quoi. Bah, tu sais, le Mia, bon, c'était le copain qui voulait le faire, quoi. C'est pour sortir un peu de blé. Ah ouais, il y a pas mal, hein. Ah, bon, mal. Ah putain, c'est fort. Et attends, pour terminer, vas-y, fais-en d'autres. Claude François. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère. Et attends. Claude François en chinois. Hey, tu m'as pris pour ton pire. Vas-y, ferme ta gueule, Attends, j'ai le chewing-gum, c'est devenu de la mort, là. Claude François en chinois. Claude François en chinois, ça fait quoi? Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on n'a jamais. Chaque fois c'est pareil. On aime bien cueillir le raisin. Ouais, on est heureux. Et franchement, alors, je me kiffe. Alors le Claude François en chinois, il faut avoir une grande bouche et l'ouvrir bien grande pour que ça marche. Ouais. D'après ce que j'ai pu comprendre. Mais on a aussi un imitateur, nous, dans l'équipe. Ouais, mais c'est de la merde. C'est alors, sûr, c'est de la merde. Vous voulez qui? Bah, je sais pas, ce que tu veux, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bah, Chirac, facile. Bah, Chirac. Vas-y, fais Jacques Chirac. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Hey, Carla Bruni. C'est chaud, là. Ouais, mais vas-y. Bonjour, c'est Carla Bruni. Hey, attends, je te fais Solar. J'adore le concept. Je te peux te faire Solar. Je suis chaud là maintenant. Tu sais, le mec, c'est la première fois que je suis en énergie, c'était ta dernière, cousin. Tu vois, enfin, sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pool, j'avais trouvé ombrage. J'étais naïf comme Rousseau, pas le Goya le philosophe, mais toujours alerte comme dinosophe. Nous étions loin, mais loin des problèmes de banlieue. Nous étions des anonymes dans cet autre milieu. Jimmy semblait au platine dans sa grosse bouée. C'est contre un micro que ma glace avait été troquée. Mais même dans ce domaine qui règne à l'Éden, je sais pas. Bon, bref, tu vois. Oui, oui, je connais, oui, oui. Ça faut être né avant 80 parce que t'avais 13 ans à l'époque de son premier album. Tiens, j'ai cru comprendre aussi que il y en avait un d'entre vous, il y en avait un d'entre vous qui baisse 10 fois Grand Corps Malade. Ça c'est le petit, il est pas là. Il savait. JB, la famille, si tu nous écoutes. Même que t'es petit, on te kiffera. T'apprendras à te rester dans ton lit de bébé. C'est petit Coran. Il est dans son lit de bébé. Il dort dans un lit de bébé, sale chien. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est quoi, t'arrives chez lui, t'as des parois comme ça. Il mesure combien en vrai? Il mesure 1,38 je crois. 1,23. 1,23. Ah ouais, donc il est beaucoup plus grandi, petit que Pedro alors. 1,23. Mais bon, l'avantage pour lui, c'est qu'un studio, ça lui fait un loft. Ouais, parle pas mal, sale chien. Vas-y, t'as le temps de venir encore. Bon, on a mené une enquête et on a découvert que Moustain, là, c'est le mec qui s'est fait le plus insulté de l'histoire du DVD à base de ferme ta gueule. Ferme ta gueule non-stop d'ailleurs, hein, on aurait pu appeler ça comme ça. Alors Moustain, ça t'embête pas de trop te faire victimiser comme ça? Ben, tu sais, ferme ta gueule. J'étais un peu téléphoné. Non, merci. C'était génial. Heureusement, t'as un petit refaire, sale chien. Bouffon, fait le faire. Running gag, sale chien. Ferme ta gueule. Ta gueule, get. C'est les mecs qui disent plus gueule, ils disent get. Ah, c'est pour économiser du temps. Ferme ta gueule. C'est comme t'as vu d'ailleurs. D'ailleurs, t'as vu maintenant comment ils le disent, Franck? T'as. Ouais. C'est pour ça le gueule est venu, t'as compris. Tiens, eh, franchement, je dis ah, tranquille. Les gars, s'il vient, relâche sur le compte, le mec qui vient, je te défonce. Hein. Exactement, exactement. Même il a rien fait, je le défonce exactement. Quand même. Hein. Et le gars, il sait pas de quoi il parle, mais il dit exactement quand même, pour, tu vois. Il est resté poteau, quoi. Il y a juste un truc, est-ce que vous pouvez regarder Toff, celui avec le pull, Jacquard? C'est moi. Ah, Jacquard. Ça s'appelle comme ça, en plus, sale pierre. J'aime bien ton pull. Merci. Sur toi. Il y a plein de jbeb, ils ont le même. Regardez-le. C'est pas bien. Regardez-le bien, pas le pull, mais lui, parce qu'il y aura un petit travail à faire avant la fin de l'interview. Lui, c'est comme le nain, il dit rien depuis tout à l'heure, mais il a une arme secrète. C'est sûr. C'est l'odeur. C'est l'odeur, elle arrive. Vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Vous regardez la télé un peu ou pas? Genre les séries télé. Énergie, moi je regarde. Énergie Black, Énergie Black, je sais pas quoi. C'est pas ce qui vient d'arriver. Parce qu'il y a notre pub Pepsi, elle passe sur Énergie. Moi je regarde Nico. On se regarde 10 fois par jour, voir si c'est toujours la même, tu sais. On sait jamais, ouais, c'est des fois qu'il était. Bon, vous regardez quoi? C'est quoi votre série télé préférée, s'il y en a une? Franchement, moi je regarde, tu sais, je suis Keblo sur l'estate, Entourage. Attends. Et le gars, ça fait 10 ans que je lui dis regarde ça, c'est mortel, je vais regarder. Et là, pour faire bien, il dit je regarde ça, ça le bouffon. En plus, ça passe pas à la télé. Là, tu viens de cramer qu'on habite ensemble. Tu viens de cramer qu'on habite ensemble. Non, Joséphine Ange Gardien, tu kiffes. Alors, dédicace à mon pote. Normal. Bien sûr, j'aime bien. C'est diffusé gratuit sur TF1. Hein. Exactement. Pourquoi? Bah, alors, c'est ça, y a pas de raison. Tout le monde a sa place, les nains, les naines et tout ça. Sex and the City, vous connaissez évidemment de nom au moins. Oui. Parce qu'on avait, on avait besoin de votre avis. Enfin, de votre avis, on s'en fout. On par politesse, on vous l'a fait écouter, quoi. Joue là comme ça, joue là comme ça. On avait fait Sandro, donc vous avez vu le personnage qu'elle joue tous les soirs. Non, c'est toi, je t'aime pas, t'es dangereuse, hein, depuis tout à l'heure. Moi, je te kiffe. Des trucs, là. Moi, je te kiffe. Ça y est. Et hey, galoche-moi. Et il y avait. Galoche-moi vite fait. Remets ta main sur la table, sale chien. Ah, ça y est. Il a mis sous la table. Putain, il branle. Bah toi va faire pareil. Bah oui. D'ailleurs il a deux mains sous la table. Moi j'ai besoin des deux mains, je suis désolé. Toi je me méfie, toi ça va, toi je te crains. L'autre là-bas il se cache derrière l'ordi, là je mets une patate. Et toi ça va. Non moi ça va. Toi dans les yeux on se mate, c'est tranquille. Ouais, voilà. Et sois pas, attends, tranquille quand même. Et donc on avait fait Sex and the City. Au fait, Carrie, tu sais comment elle a terminé sa soirée, Kenza, hier? Bah non, Miranda, ça fait 5 fois que je te répète que je n'étais pas à cette soirée. Ah oui, pardon, Carrie, je t'ai confondue avec la dent pourrie de Charlotte. Attends, on va appeler Kenza pour savoir. Wesh, c'est qui là? C'est Carrie et Miranda. Ça va les bouffons? Ouais, ça va. Dis-moi, ça s'est fini comment avec le mec hier? Oh, t'es ouf, je parle pas de ça. Ah, t'es pudique. C'est toi qui es pudique, wesh. C'est juste qu'il y a Pascal, mon grand frère, à Déco, t'as vu? Mais vas-y, si tu veux, on se fait un resto et je vous explique. Hein. Ok, pas de soucis. La Tour d'Argent ou la Villa Blanche? Quoi? Vas-y, on va chez Amidou, qu'est-ce qu'il y a? Ah, spécialité orientale, cuisine folklorique, gastronomie maghrébine, j'adore. Mais d'où la gastro? T'inquiète, ils sont bons ces kebabs. D'accord. Bon, à tout à l'heure. LCC Énergie présente. Wesh, mais du bon son. Sex and the Tessie. À Alors, Kenza, comment ça s'est passé hier avec Jonathan ? Bah, j'ai pris la merco, t'as vu ? J'étais là, pépère, j'écoutais la mixtape d'Alpha 520, quoi de PD, t'as vu ? Là, je m'allume un gros pédo, et je vois qui ? Un gars qui me démarre. Il lâchait pas le regard, bâtard ! Direct, je sors pour lui niquer sa mère, relaxé, c'était qui ? C'était Jonathan ! Je l'avais pas reconnu avec son costume de bouffon, Zarma, il se croyait beau. Ah, ok. Donc c'est toi qui allais le chercher. Bon, et donc il t'a emmené faire une balade romantique ? J'ai une tête de baltringue ? Non. Bon alors, on est allé chez lui, et au fait, il a un appart de ouf ! J'avais jamais vu un appart aussi grand, il a un deux pièces ! Ça m'a fait chelou ! Et là, je vais pour le baiser, t'as vu ? Mais laisse béton ! C'était tellement classe, j'arrivais pas à mouiller ! Je l'ai emmené dans la cave, et là... Vous avez fait l'amour ? Je l'ai déglingué ! Ah ouais ? Et alors ? Là, j'étais comme ça, tu vois ? Tu vois ou pas ? J'étais comme as, et je lui dis « Wesh, c'est quoi ton fantasme ?» Il me dit « J'aimerais bien faire un truc à trois. » « T'inquiète, bonhomme, on va faire un truc à 15, tu vas kiffer ta race. » Là, j'ai appelé des pinkos, ils l'ont fait netour direct. Tu t'es protégé au moins ? Bien sûr, j'étais armée. Mais bon, il voulait trop s'engager, le quémé. C'est ce qu'il m'a dit quand on a fini ? « Fais-moi un câlin, pff. » Et après, il me dit « Fais-moi un bisou. » J'ai dit « Zuppi !» et je me suis barré. Eh, hey, bravo. Sex and the Pussy, bientôt sur M6, avec énergie. Bon, franchement. Et si on commandait « J'ai faim, moi ?» Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans un kebab ? T'inquiète, fais confiance. C'est diététique, au moins. Bien sûr, c'est en salade tomate-oignon. Voilà, Sex and the Pussy, là, ça pourrait faire un carton, cette version-là. Ouais. Moi j'adore les meufs qui parlent mal. Ça l'excite. Regarde, il a nouveau les mains sous la table. Non, ça permet au mec de prendre. Ouais, c'est dommage. De prendre conscience de, voilà, des réactions par rapport aux filles. Voilà. Dès qu'il parle un peu sérieusement, c'est relou. Un chien. Dès que je vais te mettre une patate, ça va être relou aussi, c'est un chien. Ah, tu peux pour voir, hein, parce que comme ça, peut-être le pic d'audience qui remonterait, je sais pas. On a besoin d'un peu de buzz, donc si tu peux lui mettre une grosse patate. Voilà, ouais. Non, bon. Non, parce qu'après, on a du mal à prendre de l'argent sans lui, tu vois. Ah, donc Sok est indispensable pour l'oseille. Voilà, c'est lui le taulier en fait. T'sais, je peux pas dire ça moi-même, t'sais, c'est lui qui le dit. Franchement, moi ça me fait plaisir. Voilà. Comme ça, hein. Non, mais voilà, il connaît bien, c'est un mec malin, c'est un filou. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a le rôle de Moustaine. Moi, si c'est lui, je l'ai pris pour faire Abdelkrim, c'est parce qu'il parle mieux que moi. Hein. Exactement. Il parle bien et que moi je parle pas bien. Voilà, t'sais. Ferme ta gueule maintenant. C'est parfait. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais il y a France 4 là, je crois, qui a fait le One Man Sauvage. Là, en gros, des humoristes viennent jouer des sketchs en pleine rue dans le métro. Donc, moi, je vous propose un petit Kaira Shopping sauvage dans le 16e. Okay. Alors, on vous a vu vendre le réalisateur de ouf. Mm-hmm. Dans une case, en plus, exactement. Et ben là, vous devez vendre le pervers de ouf, ici présent. Ah, c'est qu'il y a une tête de slarvie, mon pote. Dans le studio. Toi, tu devais être à gauche dans la classe. Très, très à gauche. À gauche, c'était alors, les fous. Voici quelques indications, hein, pour que vous puissiez avoir une petite okay. idée, bien évidemment. Donc, c'est ça, les mecs qui me bipent dans tous les sens. Laissez-moi tranquille. Alors. Vous voulez partir à l'impro ou vous voulez préparer ? Bah, je sais pas, c'est écrit, donc il n'y a pas d'impro, cousin. Non, viens. Non, ça c'est juste quelques petites informations. Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord, okay. Et comment il t'a fait fermer ta grande gueule ? Non, franchement, non, mais c'est là. Non, parle-lui bien quand même. Parle-lui bien, t'es un fou. C'est ça, patate, putain, c'est un chien. Quand même. Parce que alors, le but de l'histoire, c'est de conserver la parole, même si t'as rien à dire. Juste pour avoir le micro, tu vois. Voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Vas-y, parle, alors. Compris. Lui, par exemple, là, je continue, tu vois. Tu fais parles, ça pareil hop, avec le... Fais... Bah, attends, j'ai coupé son micro, là, il fait chier. Voilà, hein. Ah, on est bien. Alors, ouais. Oh putain, on est bien. Oh sa mère, ça putain, fait du bien. C'est qui ferme sa gueule maintenant. Eh, franchement, tu sais quoi ? Je préfère mettre de la pub. Mickaël, le podcast. Je sais que vous êtes tous impatients de le savoir et que vous êtes là aux abois de cette information. Johnny Hallyday s'est réveillé. Ah, ça y est. Voilà. C'est important de le dire. Non, mais oui, ça veut rien dire. Il hein. a pris quoi au petit déj ? Ça veut rien dire. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'est réveillé puisqu'il était dans un coma artificiel, certes, mais un coma quand même. Bon. Mais ça va, il est à L.A., il est bien géré. Nous, on est partis à L.A. il y a pas longtemps. Tu te souviens, cousin ? C'est bien, on a battu une. C'est bien, vous avez fait quoi ? On est parti à L.A. c'est tout. T'as rien à savoir. Bon, Tof, Kaira Shopping donc ? Bah écoute, je suis prêt. Bon, pour une fois, j'ai de la chance, ils m'ont pas scotché à la chaise. Oui, c'est pas mal. C'est pas fini encore. Ah. C'est bon, t'as notre générique de début, non? Il y a le générique ou pas, Jack? Son balaras. Je peux te le faire, le générique. Super, vas-y, voilà, fais, fais, il va le faire à la bouche. Et on le fait pas. C'est parti. Allez. Bim, salut bande de bâtards, Abdelkrim Moustaine, Moustaine qui arrive avec des idées, des concepts, parce que tout arrive de sa tête, aujourd'hui Moustaine séquence. Séquence pervers. Séquence. Séquence vicelard. Séquence. Séquence tête de schmétra avec un pull de nez. Ouais. Tête de schmé, franchement, alors Moustaine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors qu'est-ce que aujourd'hui, tu veux proposer? Que j'ai pensé que ça serait bien, tu sais, c'est de vendre un pervers de ouf qui passe son temps à bouffer des hucs. Qui bouffe des chiens, moi je trouve ça bien. Il a une haleine de chacal, c'est un truc de ouf. Une haleine de chacal, moi je trouve ça bien. Voilà, exactement comme il dit. Alors après, si t'as des enfants qui tu galères avec l'éducation. Exactement. Lui, tu sais, il vole des vieilles et il tape des chats. Et, ouais. C'est un truc de ouf ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais qu'il a un regard de pervers, en tout cas. C'est un truc de ouf. Il est trop pratique pour faire peur aux enfants, il s'écroule. Exactement. Et pareil, si ta meuf, elle est infidèle, cette pute, tu lui proposes une partie avec le pervers de ouf, tu vois, direct, exactement, elle le voit, direct, elle revient dans l'endroit. Voilà, c'est bon, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Elle est religieuse après. Eh, ferme ta gueule. Alors, c'est très simple. Ok, si vous voulez trouver ce bouffon là, voilà, avec son pull pourri. Voilà, exactement, ton moustache a énuméré chaque caractéristique. Vous le retrouvez tout en caractéristique, en photo et tout ça, avec tous ses vices, sur carashopping.fr. Tous ceux qui y vont pas le voir, on sait c'est qui regarde, Médiamétrie, c'est nos potos, on connaît tout le monde. Et tous ceux qui vont pas le voir, on débarque chez eux, on défonce leur On défonce tout. Et alors attends, et les fonds sont bien sûr déversés sur Caras sans frontières. Exactement. Allez, hey, franchement, à bientôt, bande de bâtards. À bientôt, bande de bâtards, c'est pas le chien. Bande de chiens. Pas mal, pas mal, pas mal. Freestyle. C'est pas mal. En plus, c'est top. Oui, mais c'est très très bien vendu. Je vais le récupérer, je vais le mettre sur mon répondeur. C'est pas de ma gueule, c'est pas de notre gueule quand même, parce qu'on part vite. C'est vrai, ils peuvent l'intégrer sur la séquence animaux, pardon. Oui, et de quoi je me mêle, de quoi je me mêle. Et justement, il y a quand même des ours dans le DVD, des dromadaires. Donc des loups. C'est un montage, c'est quoi le délire? C'est quoi? Est-ce que c'est un montage ou il y a des non, vrais non, animaux? Non, bah, tu sais, on tourne en plan séquence. Donc c'est ah, on, d'accord. On coupe pas. Alors explique le plan séquence parce que il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas, c'est une séquence quoi, tu vois, il y a pas de donc on pose notre petit caméscope, on fait notre truc devant pendant 1 minute 30. Il y a pas de montage, il y a pas de fond vert, il y a pas d'effets spéciaux, donc tout ce que tu vois est vrai. Donc l'ours donc c'est un vrai. Ouais. L'ours c'est un vrai. Comment c'est possible? Et il paraît qu'il y a pas comment c'est possible. Et en plus, il y a aucun comédien, il paraît qu'il tourne avec des ours juste à côté, même des restas. Voilà, je le dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai, on a vraiment tourné avec un ours de 400 kilos, avec des loups sauvages, avec des crocodiles, des dromadaires. Et un nain aussi qui est là souvent. C'est souvent le plus dur. C'est lui le plus dangereux, je nous crois. Il nous a mordu 6 fois, c'est un chien. Il t'attrape. Écoutez son slam, tu vas comprendre. Et pourquoi vous n'essayez pas avec des canards? Ça, ça doit être beaucoup plus chiant. Parce que ça doit... Eh bah écoute, viens à notre place, viens tourner. Et puis on pose notre casque et on s'arrache. Il est pourri. Le roux fait toujours le malin, de toute façon. Bon, pour finir, on va faire le questionnaire zapping. Toutes les questions qu'auraient pu poser les plus grands animateurs du PAF. Alors, question Laurent Boyer, donc Abdelkrim Moustaine, comment est né ce DVD? Je sais pas, tout seul. Comment il est né? C'est pourri comme question, Laurent Boyer. Ça veut dire quoi? Ton comment émission, elle est pourrie, comment Laurent t'es né, Boyer. Toi? C'est qui t'a fait? Il y a un schméta, Laurent Boyer. Pas le chien. Question Olivier Mine, et vous, les Kaira, vous aimez ça, la muscu? Alors, Olivier Mine, moi, je préfère... Parce que dans les salles de muscu, les mecs, ils regardent ton cul, Olivier Mine. Exactement, c'est pour ça, on se méfie. Alors, Moustaine, ce qu'il propose, lui, d'ailleurs, il l'a proposé il n'y a pas longtemps. Nous, on donne des cours à domicile de fitness pour les meufs. Donc, voilà. S'il y a des meufs qui elles veulent nous appeler, on vient tranquille. Directement. Deuxième question, troisième question. Parfait. Troisième chaîne, c'est un chien. Question Mireille Dumas. Dites-moi, les cailles, ce côté bout en train, cette volonté de manger la vie, cette inventivité, est-ce que toute cette agitation ne cacherait pas une blessure plus profonde? Peut-être pour oublier cet accent de bâtard. On va te faire une blessure plus profonde, là ça va être clair. Non mais peut-être, tu vois. Quand on était petits, on s'était fait dépouiller notre doudoune par 5 mecs, et depuis on les a retrouvés, on les a domso. Exactement. Et voilà, on a récupéré nos doudous, rien à foutre de ça. Non, mais arrête-moi, t'as raison. T'as un fou, toi. T'as raison. Ta question, elle est consciente, mais on n'a pas envie d'être conscient à cette heure-là. Question Patrick Sébastien. T'es déjà allé dans un club échangiste, Abdelkrim? Moi non, mais on a dit oui. On a dit oui. Absolument. Eh oui. Lequel? Alors, Franck. Alors, non, pardon. Moustel. C'est Franck. Je connais pas, t'as vu, franchement, ouais, bon, c'est vrai que bon, voilà. On a tous une face cachée, t'as vu, moi je sais pas, peut-être que je vais kiffer, peut-être que je vais pas kiffer, mais je pense que je kifferai pas pour la MIFA. Question Jean-Pierre Pernaud, c'est quoi votre village préféré? Ussel. Melun. Longwy. Longuyon la ville, Longuyon, Erserange, la Lorraine, 54, la 57, 50, 55, Meurthe-et-Moselle, la Meuse. Enfin, ça commence par un 5, quoi. Absolument. Question Flavie Flamand, dites-moi les gars, vous auriez pas du taf pour moi? Si. Aussi. Si. Écoutez, on va faire un super film de boules en 3D. Ferme ta gueule. Qu'avec des Renois. Ah, il me fait peur quand il part comme ça. Question Valérie Damido, Abdelkrim, Moustel, qu'est-ce que vous préférez, une bonne grosse maison ou une petite studette? Ça dépend. Franchement, tu vois, si t'as le bonheur dans un petit studio, voilà, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres ou un grand bonheur dans un grand chez soi. Question Estelle Denis, et vous pourriez vivre avec Domenech? Non. Estelle Denis. Attends, on va la faire. Parce que Studio Canal, ils nous ont censuré une vanne. Et donc on va la faire ici. Et d'ailleurs, franchement, dédicace à notre pote. Dédicace Momo. À notre pote le nain. Voilà. Qui est dans nos cœurs, même si t'es un nain, frère. Et c'est de lui que vient la vanne. À la fin du making of, il y avait un truc où on le filmait et où il disait tout simplement: si Estelle Denis n'est pas une pute, alors qu'est-ce donc? Et Studio Canal n'ont pas voulu. Alors pensez tous que c'est une pute. Question Jacques Martin, et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Abdelkrim? Pardon? Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Abdelkrim? Question Jacques Martin. Enrico Macias. Ah, oui. On avait oublié Enrico Macias. Attends, Noël à Jérusalem? Noël, non? Noël à Jérusalem, les enfants, la terre est bien trop belle. Si vous êtes là. Non, vas-y, zap, rap. T'as pas un truc pour nous faire un truc à la queue? Et enfin, question Nikos. Oui. Salut les Kairalou. Ah merde, putain, je croyais que c'était lui, mec. Ça fait quoi d'être des people depuis qu'on bosse ensemble? Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les Algériens. Parce que déjà pour nous les Algériens, on a la Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Et toi, tu es grec et tu es qualifié aussi, je crois. C'est vrai. J'adore ma voix quand t'es comme ça. Ah, t'as changé de voix, Nico, qu'est-ce qui t'arrive? Pas du tout, c'était stabilisé par moi, mais j'ai gagné. Bon, il y a Laure qui a 23 ans qui avait une question à poser. Salut Laure. Salut. Comment ça va? Et Laure, tu sais que Michael, il est trop beau en fait. Non mais je suis pas, ça m'intéresse pas. Bah, tu vois, voilà, exactement. Tant pis pour moi. Et là, quel âge Laure? 23 ans. Ah parfait. Combien mesures-tu Laure? Ça le vis là. À 61. Combien pèses-tu? 75. Tu choses du combien? Quel est ton tour de poitrine? Non mais ça, on en a rien à foutre. Non, si, ça m'intéresse. Combien ton tour de poitrine? Non, ça m'intéresse pas. Ah, tu pourras pas poser ta question. Est-ce que t'as des beaux pieds? T'as des beaux pieds. Bon bah tant pis, bonne soirée. Aussi hein. Allez, à bientôt. Non, mais non, c'est comme ça votre émission. Vous avec... direct, non, dégage. C'est comme ça chez lui, avec son pull. De toute façon, il peut pas se permettre non plus de faire la morale. Bon, il fallait attendre plus une heure en ligne et tout pour t'avoir. Deux, elle est là depuis ce matin. Bon vas-y Laure, on t'écoute. T'avais quoi comme question à poser? Car shopping. En fait, je voulais leur demander si ils s'étaient inspirés de Jamel Debbouze et d'Eric et Ramzy pour faire leur DVD. Pour alors, faire notre DVD. En vrai, il a dit vous êtes c'est des bouffons, vous avez pas d'originalité. C'est-à-dire. Pour refaire le DVD. Est-ce avec que la tu trouves que ça ressemble à Eric et Ramzy et Jamel Debbouze? Si vous vous êtes inspiré d'eux. Ouais, j'avais compris le premier coup. Mais est-ce que... Non, mais pour faire le DVD, ça veut dire faire la boîte, faire le. Quoi. Ouais, mais est-ce que tu trouves que ce qu'on fait, ça ressemble à Eric et Ramzy et Jamel? Parce qu'il y en a bien des deux. Il y a bien des deux personnages qui ressemblent à l'un des deux, quoi. Ah bon? Attends. Ah d'accord. Est-ce que je prends ça comme un compliment? Non, écoute. En tout cas, ça fait plaisir de nous mettre sur ce piédestal, parce que nous, on vient juste de démarrer et c'est vrai que elle est pas mal cette entrée-là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut une suite. Non, mais alors, non, genre en mode sérieux. Vas-y, je réponds en mode sérieux. Vas-y. Oui, Laure. Je vais te faire enculer. Non, mais écoute, peut-être qu'inconsciemment, tu vois, puisque ces gens sont un peu des précurseurs de l'humour un peu banlieue, etc. Ça y est. Peut-être que. Il y a eu Smaïn. Bah, il y a eu Smaïn avant, ouais. Et Isaac de Bancolet, évidemment. Tout à fait, oui. Et dans 3 minutes, il a son. Non, mais en vrai, on n'a pas trop. T'as dit quoi là? J'ai dit dans 3 minutes. T'as qu'à écouter, là, tu regarderas la rediff. On bat les couilles. Non, on est pas. Non, parce que nous, on a pas dit. Non, mais en gros. Non, Laure, on s'est pas trop inspiré. Pour de vrai, ou alors inconsciemment. Mais pour info, Eric et Ramzy, qui sont des potes, aiment beaucoup le Kaira Shopping. Voilà. Mais est-ce que Jamel vous a donné un coup de main? La vérité? Non. Là, non. Il a pas compris la vanne. Non, j'ai compris. Ça avait un rapport avec la main de Thierry Henry. Ferme ma gueule. Je suis pas le dernier des cons quand même. Je suis le rat. Hein. Voilà alors. Je peux faire une petite dédicace, moi, non. Oh, s'il te plaît. Non, déjà que t'as pas donné ton tour de poitrine. Bon, allez, vas-y, en speed. Tu sais combien ça coûte, là? Normal, j'aime les fans. Ah, mais nous aussi, voilà. Surtout quand on est avec plein de potes. Vas-y, dors. Ma petite Lily d'amour que j'aime plus que tout au monde et que je lui fais des gros gros bisous. Et alors, si tu l'aimes vraiment, il faut aller lui acheter le DVD du Cara Shopping qui est sorti la semaine dernière. C'est un cadeau parfait pour la Saint-Valentin, ça. 14,99€. Alors tous ceux qui n'achètent pas, c'est des clochards. Exactement. Voilà, donc c'est juste parce que comme c'est interdit, donc le CSA, ça n'a rien à voir avec nous, c'est eux. Hein. Voilà, donc, dédicace au CSA. Je savais pas, nous on est de la rue. Dédicace à Laurent du CSA. Je connais un mec qui s'appelle Laurent. Je connais un mec qui s'appelle Stéphane au CSA. Voilà, bah, avec ça, un peu de bol, tu tomberas dessus. Bon, salut Laure, je te renvoie chez Micha au standard. Je te fais des bisous, à bientôt. Et puis bon, c'est là qu'il va falloir entrer dans cette négociation ferme. Non, on part DVD pas chez Idavance, on fera la peine de négocier. C'est quand on reste, ouais, c'est drôle, franchement, frère, s'il te plaît, frère. Nous partons, on se fêtèche depuis qu'on est petit. C'est clair, c'est tout. Franchement, galère. Viens, on reste, ouais. Fais pas le chien. Il a essayé un CPPN. Tu te souviens du CPPN? J'ai fait du TIG et tout ça. J'ai tout fait pour m'insérer, frère. C'est clair. Laisse-nous rester. Et tu vas faire quoi pour nous filer des DVD? Franchement, là, quel livreur. DVD, là. Tu sais quoi, on cherche même pas à se faire doubler, tu vas le voler, ça fait plaisir. Tu on est comme ça, quoi. Bah, et on en offre combien? Bah, t'offres ce que tu veux, celui qui en veut, l'emprunte. Franchement, on est comme as. T'inquiète pas, il va te donner sur sa clé USB, tu mettras en téléchargement sur le site. Alors, en offrir, à qui, à quoi, comment? Bah, aux auditeurs. Ah bah, je sais pas, t'en prends quoi, t'en prends... Ça dépend, t'as combien d'appels? 2 millions par soir, à peu près. D'accord. Bah écoute, on va t'en dire 7. Non mais allez, combien? Allez, on en offre 5 mais on reste jusqu'à 23h. Allez 20 et vous partez maintenant. Vas-y. Sale chien, t'as pas de trucs en réserve toi pour tacler un peu là? Allez, parfait, vous faites le 612, débutez par Énergie, puis vous mettez Kaira avec vos coordonnées complètes. Et alors le dernier truc avant de partir, il y a Polo du Polo Show qui est juste derrière. Salut Polo. Qui a une émission juste après. Juste après la mienne et avant la rediff de Nikos, justement, qui dure 2 minutes, s'appelle le Polo Show. Et donc, personne les... connaît, hein, je préfère te le dire, ça va être pourri. Oh, moi je connais. Fais pas le malin. Faut s'intéresser à énergie. Attends, quand tu bosses pour une radio au bout d'un moment, tu écoutes. Il te faut. Voilà, t'es imprégné quoi, au quotidien, du matin au soir. Toutes les plus grosses stars. Le Polo Show, c'est ça. Ouais. Merci Polo. Toutes les plus grosses stars ont fait un jingle pour le Polo Show. D'ailleurs, un petit exemple, comme ça vous mettra dans le bain. Hey yo, ici c'est pas Flarage. Et on va être copains. Tous les soirs sur énergie. C'est mon frère. Exactement. C'est moi qui ai fait le texte à l'époque. Alors 2 secondes. Est-ce que tu peux m'en faire 2 des jingles? Un avec Shuriken et un avec vous. Et moi je pue la merde, je le fais pas. Bah si, avec vous deux. Ah, tu fais les bruitages. Tu veux, c'est-à-dire avec moi, vas-y, balance un jingle. Hein. Non, mais tu fais à cap et après nous on est derrière. D'accord. Tu veux que je t'explique ce que c'est Shuriken? Attends, tu veux m'expliquer jingle? Amène un dictionnaire, sale chien. Ma gueule, quoi. Hey, y en a ici, ils vont pas faire la soirée, moi je te dis. Houston, va chercher le petit. Vous deux, vous finirez pas la soirée ici, je pense. Je te fais un jingle 1982 énergie, ça doit. Est-ce que Katsune et Jesse Jane, ils l'ont fait? Ouais. Ouais. Oh là là. Comment tu sais? Parce que je le sais, si je l'écoute, ça va me faire des bons directs. T'as déjà soulevé la table, on va peut-être pas arrêter là. Hein. Peut-être pas la peine non plus d'y aller trop là. Donc important, il faut dire popo. Bah, le mieux, Polo Show. Le mieux, ce serait que ce soit le Kaira Shopping qui vende le Polo Show. Ah oui, bien sûr, et aussi. Et puis après, on va sur Rekenda. Mais tu sais combien ils nous donnent Énergie, ouais, 2 euros. Non, énergie. On sait plus où on est, on sait plus où on est. Énergie, est-ce qu'ils vous l'ont fait comme ça en disant, ouais, mec, vous venez le matin? Vous faites la promo du DVD. Ça te regarde pas, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Non mais ça aurait été une bonne proposition. Si vous venez, il y aura des croissants. Une fois que Nikos et Mustapha ils sont servis, il en restera quand même, vous prendrez ce qui reste. www.carashopping.fr. On avait dit tous les quarts d'heure. Ah oui, bah vous êtes à la bourre. Allez, jingle. Viens, on reste, s'il te plaît, frère, viens, on reste. Non, dégagez. Ça dépend si on a droit à un live de Shuriken. Ben en fait, qu'est-ce que tu voulais? Énergie, je peux pas te la faire à l'envers, putain. Eh, balance-moi ça, putain, salopard, putain, quand je veux balancer ça, putain, énergie, y a pas de rimanger, putain, J, Joël, putain, polo, c'est quoi le nom de ton émission? Putain, je suis perdu ici, je suis même pas rappeur, je sais pas comment je vais enchaîner, allez tous vous faire enculer, peu importe. Carashopping.fr, va voir là-bas. Et tu vas voir ce que veut mon pote. Allez, vas-y, vas-y, je m'arrête là, mon nain est pas là. Mon nain est en train de dormir là-bas dans son lit de bébé. Demain, on va te péter à Montreux. C'est comme ça que ça va se passer. Allez tous vous faire enculer, me regardez pas comme ça. Il y a qu'une meuf autour de la table, elle va passer. Mais par quel principe de droit? Il y a mon pote juste à côté qui est en train de se branler. Mais non, arrête, pose la table sur la main. Voilà. Polochon. Et Polochon, Marseille. Marseille, Polochon, connexion. Marseille, énergie. On est là, la famille. C'était Shuriken, énergie, Wallen, Shuriken, Wallen. Ouais. Alors vas-y, rebalance le son parce qu'on va squatter jusqu'à minuit. Vas-y, c'est comme ça qu'on s'impose sur le style. Dédicace à Jean-Charles, dédicace à Canal, dédicace à tous ceux qui nous ont fait péter ce soir. C'est on sait pas juste où ça va se passer. C'est Ferris, sale chien. Mon pote Thierry. Ah, yes. 7-7. Garageshopping.fr. Je me suis recyclé. DVD dans les bacs. Dans les bacs depuis le 24. Va acheter. Et demain, on est au Festival de l'humour de Montreux. Donc s'il y a des meufs. Ah, il est en chien, ouais. Bon, allez les gars. Et je peux demander une petite faveur à tout le monde. Allez, vas-y. J'aimerais bien qu'ils disent demain on est au festival de Montreux et que tout le monde fasse comme ça. Juste pour voir s'ils y arrivent ou si c'est juste nous, on est des ouf, tu vois. Ouais, okay, ça me dérange pas. Vas-y. Alors, juste qu'est-ce qui se passe demain, Moustaine? Demain, Cara Shopping au festival de Montreux. Merci la famille, à très bientôt. Et franchement, ça fait plaisir. Je t'aime bien. Et je t'attends dehors à se boire un coup. Hein, le dernier qui m'a proposé ça, c'était quoi? J'attends toujours. Hein. Alors, ça arrache. C'était Jared Leto. Eh oui, mais ça c'est fait. T'as pas entendu. Bon, passez une bonne soirée, les gars. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Et puis, les DVD de carrière shopping. Non, mais est-ce que ça c'est vrai ce que tu dis? Parce que tout le monde nous dit ça à chaque fois. Oui, mais oui. J'ai l'impression que c'est une formule de politesse, mais qu'en vérité, tu le penses pas. Ah non, mais tu reviens quand tu veux. Et il est intelligent, mon pote. Attends, ce qu'il a dit, il a voulu me la mettre à l'envers. Non, jamais à toi. Dans sa tête, il y a 5 cerveaux. Il ne pense pas. Si on revient tous les soirs, il est dans la merde. Il dit ça, il ne pense pas. Sale chien. Sale chien. Bon, allez, vous êtes tous des chiens, on allez, cassez-vous, cassez-vous. Mickaël, le podcast. On va prendre Fatou qui est là maintenant. Bonsoir Fatou, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va, tranquille Fatou. Bon, juste un truc, Michel, il est où le docteur? T'as dit qu'il passait là? Ouais, j'ai le cousin Abdoul là qui va passer. Non mais il vient, il y a un médecin qui vient, oui. Il arrive de Dakar là, il arrive. Là, oui. Il me fait chier depuis tout à l'heure là. Bon, j'ai pas l'inventer, il faut qu'il arrive, moi. Il va arriver. Non mais t'es sûr, sinon je redemande à quelqu'un. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. Oh putain, vous êtes relou là, qu'est-ce qui me casse les buts depuis là. Bon, s'il y a un médecin qui est tout près du 22 rue Boileau dans le 16e arrondissement de Paris, mais bien sûr je paye s'il faut, mais s'il fait gratuit, il fait gratuit. Hein. Moi je crache pas dessus, bien sûr. Bah, on crache jamais sur du gratuit. Voilà, s'il faut payer, je paye, y a pas de problème, je n'essaye pas de gratter. Un peu, on va voir. Donc voilà, qui n'hésite pas à passer parce que j'ai un truc très bizarre à la gorge, c'est que j'ai mal du côté gauche, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que là, ça va. C'est à force de raconter ta vie, je crois, non? Et peut-être, ouais. Et dans 2 minutes, ça va de nouveau faire mal. C'est une angine, Mike. Mais non, sinon ça ferait mal tout le temps, c'est ce que je dis à la pharmacienne. Ça fait 3 semaines que t'as ça, ouais. Chez le médecin. Non, déjà, c'est pas vrai, ça fait 4 jours. Bah, oh, 4 jours quand même. Bah oui, mais bon, mais je la musique d'enterrement, Jack. Oh, on va te faire foutre. Tu sais qu'il y a la grippe A qui traîne, hein. Et, bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi la grippe du RER A. Les symptômes sont différents. Le A va pas bien. Bon. Merci, Léo. Bon, on aura le mag aussi tout à l'heure. Et donc, Fatou, on va faire un petit GAV. Et pour la peine, comme j'ai mal à la gorge, c'est Roux qui va le faire. Ok, avec plaisir. Moi, j'adore ça. Parfait, très bien. C'est quoi le délire alors? Bah, une seconde déjà. Fatou, alors qu'est-ce qui va se passer? Explique-nous. Bah, donc, en fait, c'est avec mon frère. Je vais lui dire que j'étais partie au restaurant avec des amis. Mmh. Et ensuite, sur le chemin, ils m'ont déposé et ils étaient en train de fumer dans la voiture. Ouais. Et ensuite, donc, il y a la police qui venait et ils m'ont donné, comme moi j'étais assise derrière, ils m'ont donné leurs cigarettes que je les cache dans mon sac. Ouais. Ensuite, la police nous a rattrapés et moi, ils m'ont amené au poste étant donné qu'ils ont trouvé les cigarettes sur moi. Le shit, quoi, ils l'ont trouvé sur moi. D'accord. Donc, j'ai rien compris. Elle était avec des potes, ils avaient du shit, hein, ils étaient en bagnole, ils se sont fait contrôler par des flics. Et pour cacher. Ça t'est déjà arrivé en plus, Roux, pour cacher la. En voiture, oui, j'ai pris une voiture, ouais. Non, mais pour cacher la bœuf, en fait, ils lui ont filé à elle dans son sac. D'accord, ah ouais, voilà. Ah oui, bah oui. Et voilà, ils m'ont fouillé, ils l'ont trouvé dans mon sac, donc moi, ils m'ont embarqué. Et donc voilà. Très ils bien. M'ont embarqué, au poste. Parfait, bon, allons-y, hop, on prend le téléphone, hein. Et le roux va être bon. Mais non, mais t'as plus une voix de policier que moi. Bah justement, tu vas faire un petit effort, tiens. Bonjour à madame, tu vas voir, ça tu peux le faire. Oui, en on t'écoute. Ouais, par contre, il est pas sur... Moi j'habite à Paris, lui il est pas sur Paris, donc je vais pas lui dire de venir me chercher, mais seulement que... Fasse un virement. Voilà, de faire, voilà. Paypal. Si vous donnez de l'argent, si vous donne de l'argent, bah vous faites pas de casier judiciaire, quoi. Très bien, parfait. Bon, on y ouais, va. Ouais, et t'es à quel commissariat? Épinay-sur-Seine, le commissariat d'Épinay. Parfait. Très bien. Et Sandro jouera derrière. On aurait dû garder Kaira Shopping. Ouais, je connais bien Epinay. Ouais, c'est vrai. À Epinay, ils auraient pu faire les trucs. Allez, on y va, on l'appelle. Allez, sois bon. Non, mais c'est pas à moi là de parler. Ah si. Ah non, enfin après. Ah merde, on je dis on attend, j'ai pas composé. Je disais putain, c'est long hein, avant que ça sonne. Ah ben voilà. Et on est au taquet, c'était parfait. Bravo. Bicha. Bravo vous. Bicha, Bicha, Bicha, Bicha. Bravo Micha, là, je crois que ce GAV était un exceptionnel. Était un succès. Non mais c'est quoi, il répondait tout à l'heure pour ah ouais, bah, il répond plus là, mais c'est qu'il est là. C'était le répondeur direct, ouais. Ça a même pas sonné. Ah, retente, il est peut-être au téléphone, il n'y a peut-être pas le double appel. Oui, oui, bah oui, mais enfin bon. Je vais bien essayer là maintenant. Hop là. Allez. Voilà, voilà, il voilà. Il était dans un long tunnel, retente. Oui, mais enfin, j'ai pas retenté cette fois. Son téléphone, il est éteint, ça veut dire. Ouais, je pense. Bon, je vais bien essayer encore une fois, mais sinon, tant pis. Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur du 06. Enfin, il est éteint définitivement ou pas? Bah non, mais tout à l'heure il répondait, mais bon. Non, mais genre, si on réessaye dans 10 minutes, c'est bon? Bah, moi, s'il dort, il dort, hein, à mon avis. On va réessayer demain matin. Pas, Bon, bah, Micha réessayera et on verra si ça marche. Et puis, au pire, on fait demain, c'est pas grave. C'est ça, il a juste décidé de plus te parler, rien de voilà. Voir. Et puis, en attendant, musique de relaxation. Pourquoi tu fais ça? Alexandre, pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait blesser, mon amour. Pourquoi tu fais ça? Il chante avec le nez bouché, Sandro. Tu le fais mal là. Mais Sandro est proche de le retrouver. Ah ouais? Bah elle écoute pas. Donc. Sandro, je t'écoute. Hein. Attends, mais elle chante jusqu'à la fin. Non, je suis pas proche du tout. J'ai cherché sur Facebook et en fait, il y a des pages de fans. Mais lui, ah, il y a déjà des pages de fans? Ouais, bien ouais, sûr, ouais. Mais tu crois quoi? Il tourne bien, Walid. Et? Mais j'arrive pas à le trouver. Mais j'étais proche de le retrouver. Non, j'ai laissé un message, on m'a jamais répondu. Bon, d'accord. Okay, ouais. Et c'est quoi, tu voulais en venir où? Dis-moi. Mais parce que tu m'as dit hier que t'avais envoyé un mail. Oui, mais ça c'était pour faire bien. Ah bah d'accord. Oh là là, quel mytho alors. Non, j'ai laissé un message sur le mur pour voir si je pouvais avoir. Pour l'instant, j'ai rien. T'as fait un tag? Ouais. Non, d'accord. Pas un tag, je sais pas faire. Elle a poké. J'ai mis un message sur le mur de Facebook, quoi. D'accord, ok. De la fan sur le wall. Sur le wall, sur le wall, ouais. Putain, c'est même pas parlé, là. Ah. On dit wall, on dit pas mur, on dit wall. Ah, mais c'est même pas que tu connaisses bien ça, toi. Voilà, c'est toi. C'est tes origines. Ouais, mais moi, au moins, j'ai des bras pour faire des murs. Ouais. C'est vrai, vous êtes complémentaires, à deux. Bon, on se rend un petit coup parce que Sandro parlait dessus, là. Ça. Je t'aime en laissant. Ouais, très fort, très fort. Je peux pas rester sans toi, mon amour. Mon amour. Parce que Dieu sait que je t'aime très fort. Très fort. Moi je veux. Tu sors avec Chris. Tu sors avec Chris. Tu m'en dis pas ça. Tu sors avec nouvel amour de toi. Allez sans pourquoi te fais ma ça. Oh, il y en a un autre encore. Ah oui, on a la version originale aussi là de Maria Mena. C'est une norvégienne. Ouais, exactement. C'est Guillaume, je crois, l'auditeur qui nous avait c'est envoyé. C'est Guillaume qui a envoyé ça, ouais. Exactement, écoutez. Ça, c'est la vidéo, ça. Little girl, pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. Il a quand même écrit une parole lui-même. Hein. Je préfère Walid, hein. Mille fois. Comment il connaît ça, surtout, quoi? Now call your boyfriend. Internet, hein. C'est un bénin. On a dû faire ça. Non, vous entendez l'accent? Alisson. C'est norvégien? Je sais pas. Suédois, je crois. Suédois. Eh ben, on entend l'accent, parce qu'on dirait du suédois, hein, quand elle chante, la meuf. Alors que c'est de l'anglais. Norvégien. Ouais. Norvégien? Ouais. Là, c'est norvégien, d'accord, ok. Mais Walid n'a pas chanté que sur cet instru. Ah, ah y a bon, d'autres il y en a d'autres? Ah, bah, c'est aussi un grand fan de Justin. Arrête. Timberlake, tu les as? Oh, ouais. Tu les as ou pas? Ouais, mais c'est pas en français. Mais si vous êtes sage, on passera un bout demain. Ah, revenez demain. Comment elle dise, là, bah oui. Vas-y, mets-le maintenant, point barre. J'ai pas coupé le son. Ah bah d'accord, ok, ouais, bah très bien. Ah mais non, ouais, mais c'est vrai que s'il parle, il chante pas en français, c'est moins drôle. Durée d'écoute, les gars. Bah ouais, bah oui, je te confirme. Ouais. Mickaël, le podcast. Bon, Roux, tu voulais parler de la télé, toi? Ouais, j'ai regardé la télé hier. Ah, bravo. C'est bien, moi j'ai regardé ce matin. Qu'est-ce que t'as regardé? J'ai regardé, non mais comme à chaque fois. Ah, le magazine de la santé. Ah ouais, Michel Simès. Ah, Michel Simès, ouais. Qui, comme d'hab, reçoit une question d'un téléspectateur et il a toujours la bonne phrase qui vient après. Une question un peu dans le même ordre d'idée. Étienne qui dit: ma femme refuse certaines positions qu'elle trouve dégradantes. Que faire? Changer de femme. Changer de femme, peut-être changer pas à chaque fois. Je dirais. Non, c'est des trucs qui me viennent complètement spontanément. C'est la première. C'est ce qu'on appelle un petit de promotionnel. C'est Mousténa Abdelkrim du Kara Shopping. On avait rien à faire. Et on vient dire qu'il y a le DVD qui est sorti dans tous les bacs. Et si tu l'achètes pas, t'es vraiment un sale chien. T'es un sale chien. Merci à tous. Une bande de bâtards. File-leur l'adresse de Skyrock. C'était qui? Allez faire ça à Sky, ouais. Bon, allez, salut Kara Shopping, que vous retrouvez d'ailleurs, puisque c'est une fois par semaine dans le 6-9, ils prennent 27 000 euros par épisode. Ouais. Et chacun. Ouais. Donc si vous êtes des potes à eux, étonnez-vous s'ils vous donnent rien. Voilà, t'imagines qu'ils viennent une fois, et à chaque fois qu'ils viennent une fois par semaine, ils peuvent s'acheter une Nerco Cash. Ils ont fait un an de ta vie. Ouais. Ah ouais? Ah ça, ouais. Ça jette un froid. Hein. Ah ouais, bah, c'est... Ah putain. Attends, parce que je calcule moi maintenant. Ouais, bah t'es pas loin. Ils ont pas besoin d'une grosse dans leur équipe. Non, ça va leur coûter trop cher en bouffe. Laisse tomber, bah. Bon, hormis ça, Michel Simès, ouais, juste vite fait, moi je voulais rajouter un truc sur Simès. En fait, donc la meuf qui est avec lui, elle faisait une interview et en fait elle explique que c'est super dur de bosser avec Simès parce que ses vannes comme celle-là, en fait, il les réfléchit longtemps à l'avance. Donc en fait, avant de la faire, il paraît qu'il est mort de rire déjà en antenne et qu'après qu'il l'a fait, il est aussi mort de rire. Donc elle dit, bah parfois pendant 10 minutes, il est pas là. Non, c'est pas sur France 5, c'est sur France 2. Non, c'est TF1. Jean-Luc Reichmann. Reichmann TF1, oui. Attention à la marche. Donc, c'est l'émission préférée du roux, encore une. Ah, ouais, bientôt donc là, il est, faut profiter. Là, il est tombé sur. Non, il paraît que c'est pas. Il paraît que non. Il est tombé sur une super candidate, comme ça arrive souvent. Parce qu'on sait que les candidats. Enfin, voilà, attention à la marche, ça se passe à Paris. C'est pas tout le temps des candidats parisiens. Des fois, ils viennent de province. Donc, il faut qu'ils viennent avec leurs propres moyens. Et du coup, elle est pas trop contente, la candidate. Qu'est-ce qu'il y a? Ramenez-moi, mais je vous ramène. Attends, je pense que j'ai fait tant de kilomètres pour... Ah, vous allez me rembourser, là? Bien sûr. Ah, c'est hyper important qu'elle se fasse rembourser. Et suite toujours avec la même candidate. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah oui, puis mon cirage, là, parce que j'ai fait 5 km à pied pour venir vous voir. Ça m'a sali mes bottes, hein. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai marché dans la boue, j'ai marché dans tout ce que vous voulez, puis... Mais il n'y a pas de boue, quand même. Bon, si, c'est dégueulasse chez vous, là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. C'est bon. Vrai, c'est attention. En fait, c'est pas attention à la marche, c'est attention à la merde. Ouais, ouais, attention à la merde, effectivement. Bon, donc, Jean-Luc Reichmann, toujours au taquet, bien évidemment. Ah, il est à fond, lui. Ah ouais, toujours la tâche. Ah oui, bah oui. Bah ça dépend, c'est bizarre. Des fois elle est grande, des fois elle est petite, ça dépend du maquillage, quoi. Ouais, mais... je crois que ouais, ça doit dépendre des jours aussi. Tu sais. Ouais, c'est ouais, plutôt vraiment. Le maquillage, hein, mais bon. Bon, ça s'efface avec le temps, il paraît, donc elle rapetisse normalement. Ah ouais? Bon, j'ai pas remarqué. Bah, elle prenait toute sa figure hein, pendant longtemps. Ah bon? Au début, mais le maquillage, elle prenait ça toute cache sa tout. Tronche. Ouais, il y a le maquillage après. Hein. Oui, mais elle a rétréci quand même, il l'avait dit. Ah ouais, sur France, quand il était sur France 2, il l'a maquillé complètement, tu la voyais pas du tout. Ouais, tellement qu'il faisait la voix off. Nagui. C'est une blague. Bon, sinon, ouais, par rapport à la bouffe, parce qu'on en parlait avec Sandro là tout à l'heure de la bouffe. T'as faim? Non, pas du tout. J'ai vu Koé ce midi. Non. Et il m'a pas parlé de bouffe. Bah, et toi, ouf. Tu lui en as pas parlé? Non, j'ai voulu voir s'il allait en parler. Et finalement, au moment de dire au revoir, chacun est parti de son côté et tu l'as pas rappelé pour lui dire au fait. On s'est dit adieu. Oh, c'est triste. Hein. Non, mais je vais lui envoyer un petit message pour le lui rappeler, bien entendu. Surtout qu'on s'est croisés. On était genre, alors, je baladais Polo derrière moi. Ah, tu le promènes, Polo, l'après-midi? Ouais, je le promène l'après-midi, ouais. Ouais. Bah, c'est pas mon petit vieux. Il le conduit, c'est son chauffeur, non? Voilà, c'est pour qu'il aille faire pipi dehors, quoi, tu vois. Attends, il est là. Polo! Polo! Ouais, mais il va encore être agressif, il va insulter, etc., etc. Ouais, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Bah, rien, je dis qu'on l'avait vu ce midi. Il a dit, non, il a dit qu'il promenait l'après-midi. Quelle bande de foutre de merde. La vraie histoire. Bah, commence par ouvrir le micro. Ouais, parce qu'il casse les couilles, là, les Kaira, chez les merdeux, là. Je leur ai dit, tiens, vous faites de la radio, ils sont très contents, ils sont très mauvais d'ailleurs. Non, en fait, la vraie histoire, c'est. Vous voulez toute l'histoire ou juste. Commence au moment où vous le rencontrez. En fait, ça s'est pas. J'ai mal à la gorge. Tout a commencé hier. Quand qu'est-ce qu'il y a hier? Bah, que je dois prendre une. Ah oui, prise de sang pour son allergie au cochon. Voilà, non, c'est pas du cochon, mais j'ai une allergie donc je me suis levé très tôt. J'ai pas beaucoup dormi, c'est pour ça que je suis un peu faiblard, un peu blanc. Mais attends, t'as pas du tout demandé de raconter ta vie. Mais si, vous voulez toute l'histoire. Et donc, il y a un mec qui m'a dit, bah, tu peux venir me rendre service, s'il te plaît. Je donnerai pas de nom. Hein. Non. Et il m'a dit, tu peux me rendre service. C'est IKL. Voilà, je te paye à bouffer et tout. Donc il n'y a pas de problème, moi je suis un mec bien, je suis un mec de confiance. Je viens. Je suis un mec qui a faim. Je suis un mec. Parce que je suis à jeun. Je suis à jeun pour ma connerie. Je suis à jeun. Et en fait j'y vais. Et en fait il me dit, quand tu. Parce que en fait j'ai là tout le matin et je sais plus, il devait se réveiller vers 11h. Et il me dit, bah passe à la maison, la porte est ouverte. Oui, qu'est-ce que je fais moi? J'y vais, la porte est fermée. À cause d'un abruti de roue qui rentre et qui ferme la porte. Donc oui, voilà. C'est ce qui arrive souvent quand on va se coucher. J'ai dormi 30 secondes sur le canapé, puis après, en ronflant, en ronflant. Effectivement, on a vu Koé. Mais voilà. Voilà, mais attends, mais tout ça pour ça, tout ça pour ça. Oui, bah, quoi, tu veux savoir quoi? Bon, et si on chantait sous la douche? Non, bon, attends, Laurine. Ah ouais, là, c'est. Mais parce que Mike dit que il a pas parlé. C'est juste pour dire qu'il a vu Koé, quoi, c'est tout. Non, mais il a pas parlé en fait. Mais non, mais c'est vous qui êtes en train de parler, de parler, de parler là. Parlons-en dans le polo show. Allez, Laurine, qui est là maintenant, 18 ans de Corse. Eh, faites gaffe, sinon ça va me. La Corse. J'ai pas compris. La Corse, c'est Bastia. C'est pas grave. Tout à l'heure, rendez-vous dans une heure, le polo show, polo. Comment va Laurine? Ben ça va bien, écoute. Laurine, t'as compris quelque chose là? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Bah rien, je sais pas pourquoi ils t'ont appelé moi. Laurine, ils ont un problème parce que ah oui, je me rappelle, ils t'ont appelé, ils... on t'a appelé parce qu'il a dit que Laurine sortait pour que tu fasses pipi. Ah, c'est comme ça. Tu vas te déposer chez moi ce soir. Ah oui, il a aussi dit que t'étais son chauffeur. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça c'est vrai dans la force des choses. Et quand tu roules et que je suis passager, tu es chauffeur. Il a dit que tu prenais ses rendez-vous aussi, que tu tenais un agenda. C'est ça. Et que t'es un bouffon aussi. J'ai pas de rendez-vous, donc arrête de dire de la merde. Bah si, t'en as bien aujourd'hui. Non. Bah si. Ah, je l'ai croisé par hasard. Ah, par hasard. Ils sont allés manger. En fait, ils sont allés manger dans un resto à la table d'à côté. Il y avait Koé. Il a voilà. Il a vu Koé qui ne lui a pas parlé du repas. Ça veut dire que tu manges dans des bons restos. Ouais, ou lui dans les restos de pauvres. Et on a vu un joueur du FC Porto aussi. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais. Et bah lui aussi. Non, tu manges. Je sais pas. Il était derrière moi. Il arrêtait pas de parler. On a fait une photo, mais bon. Donc le joueur du FC Porto mange aussi dans des restos de pauvres. Au Quick. Les trois. Ouais. D'accord. Ouais. Je crois pas une seconde. Allez, qu'est-ce que je te dis, moi. Bon, Laurine. Alors, donc t'appelles de Corse. Toi, tu voulais chanter. Tu voulais réagir par rapport à la douche. Oui. Bon, alors oui. Tu chantes quoi toi sous la douche? Parce que les Anglais apparemment la chanson préférée c'est Candle in the Wind. Alors, nous dis pas ce que tu chantes, mais chante-la nous. On va voir si on la trouve. Ouais. Attends, avant d'aller sous la douche. Avant d'aller sous la douche, combien mesures-tu? On s'en branle. Ben non, on va sous la douche, merde. Oh. Bon, combien tu mesures? Alors, je mesure 1m65. Combien pèses-tu? 51 kilos. Combien? 51 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 85D. D comme Denise? B. Ah oui, comme Bénédicte. B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 36. Jack, je vais aller sous la douche avec elle. Hein, j'ai peur qu'elle se noie, je vais l'accompagner. Non, mais déjà, on peut pas se noyer sous la douche et surtout, elle n'a pas envie de prendre sa douche avec toi. Ce qui mais n'est pas si la même elle chose. Envie de ça. Non, je te jure. Bon, Lorraine, alors vas-y, chante-nous le truc, on va voir. Alors, je vais vous chanter une chanson d'un groupe néerlandais que vous ne connaissez pas forcément. Ne t'enflamme pas là-dessus, hein, ne parie pas là-dessus, mais vas-y quand même. Et après, je vous chanterai de Mr. Drone, c'est peut-être. Non. Donc elle s'appelle The Howling. De quoi? Elle s'appelle The Howling. Allez, vas-y, chante, ta mère. Comment? Alors, je vais vous chanter le. Attends, toi, t'es flamandophile, toi. T'as un accent, là. Ouais, bon. Bon, d'accord. Non, mais je rêve, d'accord. Vas-y, chante. Alors. Ouais, oui. Ah, merde. When we start killing, it's only been falling down from the hell that we ain't. Ouh là là. Ah oui, ouh là là, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson flamande. C'est une chanson de flamandophile, oui. Et alors toi-même, t'as pas honte de chanter sous la douche? Ah non, quand non, tu non, t'entends, non, t'as honte. Faut que je vous raconte un truc. Non, faut que je vous raconte non, un truc. Attends. Ouais, parce qu'elle a dit non. Non, faut pas que tu nous racontes. Si, on va le savoir. En fait, Pedro met le casque. Et il entend donc cette auditrice qui chante avec le bruit de l'eau derrière. Il me fait putain, ce gaspillage de flotte. Je lui dis c'est une vanne, tu vois, ok, elle est drôle. Je coupe le truc, je le remets, il me fait ah, c'est un bruitage. Ah, on peut être con et faire de la radio depuis longtemps. Ah, ouais. Alors je propose à Pedro de changer de place avec moi s'il veut. Bon, Laurine. Mais. Et oui. Effectivement, on n'avait pas reconnu. Heureusement que tu nous as dit le titre avant parce que j'avais jamais entendu ça de ma vie. Est-ce raison. Que tu t'es déjà écouté chanter ou pas? Oui. Ah bah putain. Oui, des fois quand je sens ma voix dérailler, je me reprends. Mais non, faut pas se reprendre, c'est ça qui est bon. Non, oui, c'est ça. C'est quand on rate, c'est quand et on sait de quoi on parle. Pourquoi il fait des bouts comme ça? Parce que je comprends pas quand elle parle. La feuille aux oreilles. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Un accent. Mais oui, un petit, c'est pas grave. Bon, Laurine. L'accent corse, l'accent de Cid. Non, t'as surtout un téléphone de merde. Ouais, ça je te le confirme. Bon, je te fais des bisous, Laurine. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao à toi, Laurine. Bon, et si vous en avez d'autres, des chansons, n'hésitez pas, bien sûr. Hein, vous lâchez vos messages au 612, débutez par énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone. Allez, on va se faire le Mac du jour maintenant. Bienvenue dans ce Mac du jour. Un tour de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on attaque tout de suite avec le premier titre dans l'actualité de ce jeudi 10 décembre 2009. L'inquiétude générale autour de l'état de santé de Johnny Hallyday vient de s'estomper. Selon les dernières informations, il se serait réveillé du coma artificiel dans lequel les médecins de Los Angeles l'avaient placé. Il était hospitalisé à la suite d'une infection nosocomiale contractée après son opération d'une hernie discale le 26 novembre dernier. Ouais, c'est triste, hein. Mais en plus moi j'avais écouté ses derniers disques et franchement il aurait pu s'en rendre compte plus tôt, hein. Putain, ça fait un moment qu'il a traîné son hernie discale. Non mais on est tous derrière lui, hein. On espère qu'il va se rétablir. Parce qu'il fait quand même partie du patrimoine français, enfin belge, enfin de Suisse. Enfin bref, c'est quand même l'idole des anciens jeunes. Ouais. On plaisante, mais on soutient quand même notre Johnny National et on le Jojo. Un bon rétablissement. La ville de Marseille organise depuis aujourd'hui une vente aux enchères sur internet de 184 objets, parmi lesquels l'ancienne voiture du maire Jean-Claude Gaudin, des fauteuils de la salle de mariage ou des vieux PC. Que des trucs qui marchent plus, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a l'OM qui s'associe à l'opération et qui va vendre des objets qui ne leur servent plus, comme Hatem Ben Arfa, par exemple. Et samedi dernier, Thomas Hugues recevait pour la seconde fois en deux ans et demi, son ex-femme sur le plateau de Média, le magazine. Le journaliste revient aujourd'hui sur cet exercice périlleux et dévoile dans France Soir les dessous de son entretien avec Laurence Ferrari. Ouais, un entretien qui était très alléchant, hein, sur les dessous de Laurence Ferrari. Apparemment, elle portait un string noir, des pantartels et un petit bustier en dentelle. Allez, on passe au con du jour maintenant. Le con du jour est américain, il a 10 ans et il aime trop les sucettes ou les glaces, et c'est le con de Jack. Oui, donc l'histoire de mon con commence lorsqu'une femme qui rentre chez elle en voiture regarde par la fenêtre et a vu mon con dans une situation étrange, hein. Donc du coup, elle appelle les pompiers pour qu'ils viennent sauver mon con. Jusque là, elle est gentille, c'est bien, bravo. Ouais. En fait, ce qu'a vu la conductrice, c'était bizarre. C'est-à-dire que mon con était là, la langue collée contre un poteau. Hein? Ah ouais, en fait mon con ne pouvait pas bouger de peur de s'arracher la langue. Oh. Alors d'après les renseignements qu'on a sur mon con, il a été défié par ses potes. Il devait lécher le givre situé sur le métal. Oh. Et c'est là qu'il est resté collé, comme dans ce grand film. Mais attends, et ses potes, ils se sont barrés? Ah ben je sais pas, mais quand les pompiers sont arrivés, ils ont simplement versé de l'eau chaude sur la langue de mon con qui en un instant a retrouvé sa liberté. Ah bah oui, c'est pas bête. Putain, j'imagine le morceau qui s'arrache comme ça. Mais quelqu'un y aurait pensé de foutre de l'eau chaude? Ah oui, quand même. Ouais. Je pense, ouais. Après, il faut avoir l'eau. Faut avoir l'eau. Parce que quand t'es coincé, t'as pas forcément de l'eau chaude à portée de main. C'est vrai. Donc t'es un peu dans la merde. Moi j'ai bien l'idée. En plus, même si t'as l'idée, tu peux pas le dire. Si, tu peux pisser sur le barreau. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah ouais, tu peux te pisser dessus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que sans ta langue, tu fais rien. Enfin, quand même. Non, mais il y a quand même pas mal de choses que tu peux pas faire. Déjà. C'est vrai. Si, tu peux toujours utiliser les doigts. Ouais. Bon, merci pour ce con de Jack. Donc, on passe au sport maintenant. Football. Cristiano Ronaldo est de retour, auteur d'un doublé avant-hier au Vélodrome. Le madrilène portugais, au final, a prouvé que sa blessure contractée lors du match aller contre Marseille n'était plus qu'un mauvais souvenir. Rappelons que l'OM de Mamadou Niang s'est incliné 3-1 face au Real de Cristiano Ronaldo. Ouais, ça va faire taire pas mal de ses détracteurs qui disaient que l'international portugais avait un poil dans la main. Ouais, on a bien vu mardi qu'il avait repris du poil de la bête. Oui, d'ailleurs, son entraîneur était content de lui. Il a déclaré après le match que Cristiano avait été au poil. Cristiano Ronaldo qui est rentré chez lui un peu groggy après le match. Il a dû se réchauffer auprès du poil à mazout. Alors ça, c'était un peu la vanne de Toff. Ouais, tu vois, c'est celle qui servait à rien, ça. Oui, mais c'est celle de Toff. Déjà que les trois autres servaient à rien. Oh, allez, foot toujours. Franck Ribéry a fait son coming out hier. Il a admis dans la presse allemande avoir traversé une période très difficile à cause de sa blessure au genou gauche qui l'empêche de jouer depuis le 3 octobre. Par contre, il a rien dit sur sa blessure à la joue droite qui l'empêche de draguer depuis 26 ans. Et on finit avec le petit truc du jour. Juste avant le quiz des citations, le conseil du jour est un truc voyage. Et si on vous refuse l'accès d'un pays parce que vous avez fait des conneries et pourtant vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'y aller, on a la solution. Faites comme cette chinoise de 27 ans qui avait été expulsée du Japon parce que son visa avait expiré et qui rêvait quand même de retourner au pays du soleil levant. Eh bien, elle a presque réussi à tromper les autorités du Japon en modifiant ses empreintes digitales. C'est possible, ouais, mais ça nécessite une opération chirurgicale. La peau de son pouce et de son index a été retirée pour être greffée sur l'autre main et vice versa. Elle a été arrêtée par la police et a été expulsée une fois de plus du Japon. Et vous pouvez vous aussi changer vos empreintes digitales. Il vous en coûtera la modique somme de 15 000 $. Ah, quand même. Si, ah, oui, surtout quand même. Pour se faire serrer au final. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez un pays où on vous prendra pas la tête pour aller en vacances. Surtout pour se faire serrer. Y a-t-il une garantie? Aucune. Tu vois, si tu te fais serrer, bon, t'es remboursé ou pas? Comment ça se passe? Ah bah non. Ah bah non, non. Ah, c'est ça le truc en fait, hein, qui est dommage. Donc voilà, donc Rose, tu fais une connerie, tu vas aller, je sais pas, aux US par exemple, hein, tu changes tes empreintes. Avec plaisir. 15 000 $. C'est pas très cher. L'histoire ne dit pas c'est ce que je gagne tous les jours. Ou pas. Parfait. Au pire, tu demanderas à Carrière Shopping pour en prêter. Ah oui. Bon, allez, on passe maintenant au quiz des citations. Qui a dit « Même quand je suis avec un garçon, je fantasme sur des femmes » Katy Perry. Lady Gaga, oui, effectivement, qui admet qu'elle ne peut pas s'empêcher de fantasmer sur des femmes, même si elle est en couple avec un homme. J'aime les femmes, mais je tombe seulement amoureuse des hommes. Je n'ai jamais été amoureuse d'une femme. C'est de ça que parle Poker Face. Elle est vraiment bizarre, cette femme. Qui a dit je pense que j'ai fait une sorte de pacte avec le diable dans lequel je pouvais avoir du fun jusqu'à maintenant. Ensuite, il est revenu et m'a dit il est temps, je t'emmène en enfer où tu deviendras un vieil homme triste et seul. Robbie Williams? Non. Pattinson? Non. Tiger Woods? Non. Elton John? Non. L'un des célibataires les plus convoités du monde. George Clooney? Non. Bradley Cooper? Non. Le prince Harry? Harry. Non, William. Non. De Monaco? Célibataire. En tout cas, il a un grand nom. Il a un grand nom. Ouais. Jean-Michel Big? Non. Un célibataire connu? Qui a un grand nom? Nikos? Non. Non, non. Bah, je sais pas. Hugh Grant. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, mais enfin bon. Qui a de terribles angoisses hein, quand il constate que le temps passe. Il fêtera ses 50 ans en septembre de l'année prochaine. Et enfin, qui a dit je ne suis pas enceinte, mais je ne suis pas déprimée? Non, c'est moi, ça. Non, Céline Dion. Eh oui, Céline Dion hein, qui a tenu à rassurer ses fans. Même si son début de grossesse a tourné court il y a quelques semaines, elle ne se laisse pas abattre, évidemment, pour autant. Oui, elle a fait elle une espère, fausse couche. Elle espère toujours avoir un deuxième bébé et elle le garde le moral. Voilà, bah, tant mieux c'est pour ça. Elle, alors. Ouais, bah, tant mieux pour elle. Hein, mais merci à Céline Dion d'avoir donné des nouvelles. Bon, bah, tout pour le quiz du jour, en tout cas aujourd'hui. Retour du Mac du jour, un autre jour, en l'occurrence demain 21h. Mickaël, le podcast. Bon, l'expression du jour maintenant, ah oui, Toff est enfin revenu. Alors, comment ça se passe? Bah, c'est bien. Quoi l'expression du jour? Parce l'expression... que t'as deux pots avec des glaçons là. Donc, c'est garder la tête froide ce soir. Ah. Et donc en fait, faut mettre la tête dans la glace et c'est celui qui reste le plus longtemps. C'est dangereux, non? Mais non, c'est pas dangereux. Non, c'est bon pour la circulation. En plus, mais oui, bon ça va te refroidir les neurones. Et c'est en plus, battles, l'avantage, c'est en mode battle. Quoi. L'avantage, c'est comme c'est pas de l'eau liquide en l'occurrence, c'est sur des glaçons, tu peux respirer au travers. Oui, c'est ça. Donc ça, faut juste mettre la tête dedans. Ouais, ça, j'y mettrai pas ma main. Mais... Exact. Bah si, tu peux respirer. Après, c'est peut-être un peu, c'est de l'air frais, quoi. Non, mais je crois que c'est dangereux, non? Mais non, c'est pas dangereux. Quand tu vas dehors, t'es dans le froid aussi. C'est t'en mords pas. Non, mais c'est ton cerveau qui contrôle ça. Hein. Mais t'as peur d'avoir le brain freeze, quand tu bois un truc trop froid. Mmh. Ben oui, ça fait mal, mais c'est pas dangereux. T'inquiète. Ah, tu fais le vide dans ta tête, tu n'y penses pas. Ouais. Bah, toi, tu devrais le faire, c'est plus facile je pour toi. Je peux pas, je suis maquillée, les gars. Bon, bah, vas-y, Toff, tu commences et je dois essayer de te battre. Non, non, allez, viens. Ah, on est deux en même temps, Bah non. Bah si, allez, viens. Allez. Parce que si je mets pas une carotte, l'euro en 30 secondes, il sort. Je paye à bouffer après, celui qui gagne. Attends, tu me dois déjà pas mal de bouffe là. Quoi? Ça s'accumule depuis je sais pas combien de temps. Oui, Anthony Cavala, tu me dois 5 € et un. Non, tu me dois un coca et une bouffe. Oui, bah je vais te le donner, ça va, oh là là. Pourquoi Anthony Cavala, tu me dois 5 €? Parce que en fait, quand Anthony Cavala il est venu, Mike devait faire une impro. Mike a pas voulu la faire, donc il me l'a donné. Enfin, je lui ai vendu. Enfin, il me l'a vendu, voilà. Je l'ai vendu, ouais. Allez. Oh là là là là là, ouais, Sandro est déjà malade, elle a déjà pris un rhume. Ils sont sortis les deux en même temps. Non mais il faut bien mettre tout le visage. Non mais mets le visage, toi. Oui, mais parce que toi tu mets ton crâne, mais le visage. Ah le visage. Ah oui, bah, oui. Parce que tu vois, moi j'ai fait un grand trou pour mon nez, après le reste. Il s'est fait un tunnel. Bon, allez, on y va. Attends. Attention. Ok, il a failli faire un truc de merde à Toff. Allez, 3, 2, 1, go. J'attendais un. Toff, arrête! Ouais, ça va être super dur. Ouais, puis ça va être super froid aussi. Ça va, Roux? Oh la vache! Ça va, Roux? Oh la vache! Eh, hey, y'a quoi au-dessus de moi là? Mais y'a rien! Arrête! Hey Mike, tu veux savoir comment elle s'appelle la mère du roux en vrai? Ah ouais, on peut dire où? De quoi? Mais où? Comment elle s'appelle ta mère? Taras, vas-y, Taras, arrête. Elle s'appelle Taras, c'est moche. Ouais, c'est moche pour une mère. Ah, mais c'est, putain. Ouais, c'est froid en vous. Hein. Ouais, pour l'instant, ça va, hein. Ça fait 30 secondes. Mais c'est 20 c'est secondes, sur le front. Pardon. De quoi? Ouais, c'est là que c'est le plus dur, hein, c'est le front. Bah le ouais, front. C'est normal. Ça refroidit. Et donc, ouais. C'est quoi l'expression encore? Ah oui, avoir la tête froide. Gardez la tête froide. Gardez la tête froide. Sinon, il y a un message qui dit pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, la roue l'a pété? Non, il y a Sandro qui met son stylo dans la raie des fesses du roux. Ça fait porte, stylo. Il m'a mis un coup de coude dans les couilles. Bah oui, mais ça, tu le fais chier aussi. Bah non, il était là pour que pour mettre les micros. Alors que moi, j'aimerais bien qu'elle me mette le stylo dans le cul. Je suis désolé, Jack. Ah, bah voilà. Oh, il dit rien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un message sinon roux pour la semaine prochaine. Faites l'expression faire un caca nerveux ou alors chier une pendule ou avoir de la merde dans les yeux. On va faire chier une pendule, comment tu veux qu'on fasse? Ou mettre des bâtons dans le roux. Ah, ça joue bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, vas-y, t'enlever ta tête, remets-la. Bah oui, mais je remets ma tête, forcément, on met des glaçons dans le cul. Ah bah voilà, très bien. Bon, et vous tenez là, c'est pas mal, hein? Ouais, mais c'est froid quand même. Hein. Oh, vite fait, vite si fait. Je peux me permettre, Tofi triche. Pourquoi? Parce que son visage n'est pas collé au glaçon. Ah ouais, il faut la coller. J'ai la tête dans le glaçon. Non, je te vois, arrête de mentir. Il faut bien que je respire. Colle mieux, colle mieux, colle mieux, colle mieux. Comment tu veux que je colle mieux? Comme ça, tu vois? Ouais, je peux pas respirer, quoi, non. Mais si, tu peux très bien respirer, ça fait une minute. Mais arrête tes conneries, ça fait plus longtemps. Ça fait une minute, je te dis. Ça fait une minute. Sandro jouit, c'est beau. Ouais, je peux plus, je peux plus. Respire, arrête. Roule la bouffe. Oh. Quoi, roule, il a lâché? Mais non, il va pas lâcher. Oh non, non, non. Non, non, non, non, arrêtez avec ça, là. Ah, ils sont en bataille de glaçons, là. Le roux a grossi un petit peu, hein. Il a repris un petit peu de... Oula, mais il se bastonne, là. Ça se tape, là. Ah. Ouais, il y a eu du glaçon dans le dos, hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Tof, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas froid. C'est des glaçons. Fallait pas mettre un pull comme ça. Je vois pas le rapport avec le pull. Ah bah si, quand tu mets un pull comme ça, forcément, après... Oh, dans le cul. Ah, il était trop court, tu m'as mis un doigt dans le cul. Le mec, non, il m'a torché. C'était des glaçons dans ta raie. Mais non, tu m'as torché. Non, c'était des glaçons dans ta raie. Je te dis, tu m'as torché. Qu'est-ce qu'ils sont cons, alors? Bon, dans un instant, on fait une question pour une réponse. Donc, Tof a gagné. Ouais. Très bien. Mais quoi à bouffer? Pas rien, j'avais dit que c'était pour le roux, parce que lui, je sais qu'il faut mettre une carotte. Toi, t'es con, tu vas le faire. Michael, le podcast. Demain, on ira faire un tour du côté du sexy quiz avec Jean-Claude. Sandro? T'es pas en train de te foutre de ma gueule là avec ton iPhone de nouveau qui est comme par hasard sur tes jambes caché sous la table? Non, je suis sur Facebook. Ouais, oui, avec qui? Avec Pablo qui t'a donné toutes les réponses? Non, je demandais Kaira Shopping en ami. Il faut pas entendre comme connerie alors. C'est dingue. Bon, c'est pas grave. On jouera à DJ Hero dans quelques instants, en tout cas avant la fin de l'émission, c'est évident. Et puis on va jouer maintenant aux questions pour une réponse avec Geoffrey et avec Cédric. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Comment salut, ça va Michael. Salut. En forme? Ouais, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Bon, Geoffrey, t'as 17 ans, t'appelles du 55, et tu veux jouer avec qui? Le roux. Très bien, la question c'est, où est le roux? Ouais, je sais pas. Je peux le remplacer si tu veux. Non, t'as toutes les réponses, mais pas non, de ma gueule. Jure, t'as toutes les réponses, mais genre non, tu veux jouer volontairement comme ça? Bah oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Taf? Il cherche un balai, le roux. Il cherche un balai? Pour ramasser les glaçons. Ah bah oui, forcément, c'est mieux, ouais. Bon, Cédric de l'autre côté, 30 ans, du 82, tu veux jouer avec qui? Avec Tof. Avec Tof, très bien. Bah alors, ce que je propose, puisque Sandro se proposait gentiment, c'est que Tof vienne jouer et que Sandro nettoie les glaçons. Oh non, non. Bah non, laisse-moi jouer à la place de roux. C'est... Non, il est là, regarde, c'est plus la peine, mais nettoie par terre et puis tu joues. Oh non, non, je nettoie pas. Hein. Ça, c'est parfait. Voilà, ça me paraît un très bon plan, ça. Non, parce que si je le fais une fois, ils vont croire que c'est... ça sera tout le temps. Mais non. Ah si si. Mais non. Si, si. Mais tu te fais des idées. Allez, Geoffrey, Cédric, on va jouer maintenant à question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Hello, le soleil brille. Merci Julien. Oui. Bon, Geoffrey, tu vas jouer avec le roux. Cédric, tu vas jouer avec Tof. Question pour une réponse. Et là, il est déçu. Non, je suis pas déçu, je suis pas déçu. Oui, parce que pour une fois, il avait tout. C'est ça, la patronne, c'est elle qui décide. Non, je parle, elle a rien du tout. Non, c'est juste que, voilà, elle avait toutes les réponses parce qu'elle avait triché. Donc, je suis dégoûté, tant pis pour vous de pas m'avoir choisi, les gars. C'est ça, oui. Allez, première question, vous êtes prêts? Prête. Prêt. Attention. Terminé, c'est gagné. Mais non, on n'a pas encore commencé à jouer, Julien. Mais là, vous faites la faute. C'est vous qui faites la faute. Bon, on y va. Top. Je suis apparu dans les livres pour la première fois en 1863 par Gabriel de la Landelle. Celui qui a déposé mon brevet s'appelle Clément Ader en 1875. Mon nom veut dire oiseau action en latin. Je suis plus lourd que l'air. C'est ça qui a de fascinant chez moi. Bah, les gars. En revanche, faut bien avouer que... C'est la réponse. Arrête de te foutre de notre gueule. Cédric. Ouais. Ah, je croyais que t'avais dit quelque chose, autant pour moi. Oui, pardon. En revanche, faut bien avouer que je suis une des principales causes de pollution sur Terre. L'avion. Bonne réponse. Le Spirit of Saint Louis est le premier à être passé d'un continent à l'autre en 1927. Je passe de 300 km/h sur Terre à 900 dans les airs. Je me suis particulièrement illustré le 11 septembre 2001, mais je ne suis pas Ben Laden, ni Bush, ni le World Trade Center. Michael m'adore, surtout quand je me vautre. Sandro et Jean-Luc Delarue me détestent. Je suis donc un avion. Ça, c'est bon, Michael. C'est beau, je sais, merci. Deuxième question. Vous êtes prêts? Top. Ouais. Prêt. Top. Attention. Top, je suis un sport collectif qui a les mêmes racines que le cricket. Un petit indice, Sandro, tu joues pas. On me joue avec une balle et des gants pour attraper la balle. Le baseball. Non. Geoffrey. Le baseball. Le baseball, bonne réponse. Bravo. Pourquoi il dit le horseball? Parce que le cricket, c'est aussi un jeu de balle avec les chevaux. Il connaît toujours des sports pourris, lui. Toujours. Enfin, c'est tough en même temps. Ouais. C'est comme les boutiques qui vendent les pulls que les pourris. C'est son univers en même temps. Le cricket, il n'y a pas de chevaux. De cheval d'ailleurs. C'est le polo. Ah pardon. Ah oui. Le cricket, c'est juste avec un maillet là. Tac. Ouais. Ah autant pour moi. Entre les petits arcs. Autant voilà. Pour moi. Et donc voilà, je disais donc de gants pour rattraper la balle. Et non, ce n'est pas le foot, ce serait trop simple. Mes racines européennes ont longtemps été niées par les autorités américaines afin de faire de moi un sport typiquement américain. Je suis considéré comme le sport national américain, mais non, je ne suis pas le football américain, mais son concurrent direct. Non, je ne suis pas non plus le basketball, mais on se rapproche. Comme tous les sports, je suscite des controverses, notamment à cause de l'équipe des Black Sox et une sombre histoire de corruption qui impliquait plusieurs joueurs des Chicago White Sox. Pour vous mettre sur la piste, il y a un arbitre, un lanceur et un frappeur, et comme des cons, on court tous après une balle. Vous me direz, comme beaucoup de sports, et c'est pas faux. Et pour finir, la batte que les joueurs utilisent mesure un maximum de 1,07 m de longueur pour un diamètre de maximum 7 cm. Elle peut être en bois plein ou en alliage métallique, creux même d'ailleurs, mais mon poids est variable. Oui, ça laisse rêveur, je suis le baseball. Oh, ça s'annonce tendu ce soir. Oui, ça s'annonce tendu, et c'est surtout que c'est Geoffrey qui avait trouvé, non? Oui. Très bien, parfait. Et la première fois, c'était qui? C'était moi. Ah oui, donc ça nous fait un partout, effectivement, Julien, ça s'annonce tendu. Oh, ça s'annonce tendu ce soir. Tout à fait, tu l'as déjà dit, Julien. Oh là là, ça doit être chaud. Oui, ce n'est pas la peine de te répéter 150 fois non plus. Oh, Dernière question, ça s'annonce tendu ce soir. Je vais pas dire ta gueule, Julien. Attention. Top, j'existe environ dans 50 langues, dont le français depuis quelques années, mais je suis aussi dispo en basque et en catalan. Je suis dans le top 20 selon Médiamétrie, je touche plus de 4 millions de français. Certains m'utilisent pour pécho, d'autres pour se changer les idées ou exposer leurs idées. En 2007, je valais 240 milliards de dollars. Top. Facebook. Bonne réponse. À la base, j'étais réservé aux étudiants de Harvard, mais depuis 2006, je suis accessible à tous. On m'utilise aussi pour répondre à des tests idiots pour savoir quel personnage de dessin animé on serait ou quel super-héros. Mickaël est la famille d'Alice. Son recherche est fait activement Walid. Et c'est Mickaël est la famille d'Alison recherche activement Walid et serait sur le point de le retrouver grâce à moi. Je suis donc Facebook. Pablo, je pense que tu as dû fumer quelque chose avant d'écrire le dernier. Hein. Il n'était pas très. Mickaël et son équipe recherchent activement la famille de Walid. Non, parce qu'il était marqué Mickaël est EST. Ou alors il a fait une faute. Il écrire en français lui. Hein. Ah, c'est peut-être un autre problème, ça, effectivement. Bon, victoire pour Cédric. Ouais. Ouais, cache ta joie. Bravo. Hein? Cache ta joie. Ah, je suis très heureux. Merci, Tof. Ça s'entend. De rien. Tof. Je l'ai pas fait exprès pour le deuxième. Bon, salut à toi, Cédric. Salut à toi, Geoffrey. Bon, salut à toi. Ouais, je peux passer une dédicace? Vas-y, ouais. J'aimerais passer une dédicace à la Fouine et à Trash Bull qui m'écoutent. D'accord. Pardon, Trash Bull. D'accord. C'est un nouveau rappeur. Ouais, vas-y, Geoffrey. Vas-y, Cédric. Moi, une dédicace à tous les routiers de France. Bon courage et prudence sur la route. D'accord. Voilà. Eh ben, le message est passé. Y a pas de problème. Salut à vous. Salut. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye. Et si vous voulez rejouer aux questions pour une réponse, déjà dépêchez-vous parce que dans l'air de rien, dans une semaine et demie, deux semaines. Dans deux semaines, c'est congé. Oui. C'est congé de Noël et Nouvel An. Ouais. Tu vas où, Sandro? Nulle part. Tu restes à la maison? Ouais, j'ai pas d'argent pour partir. Bah, demande au roux, il bavait sa race. Oui. Elle veut pas partir. Mais t'es con, quoi. Ah, c'est frais, tu veux non, pas partir? Non, c'est moi. Mais non, c'est lui qui te dit que je veux pas partir. Ah, parce que tu veux partir, mais t'as c'est pas d'argent. C'est l'excuse qu'il a trouvé pour pas me payer mon voyage. D'accord, ok. Oh, c'est pas vrai. Ah, d'accord, ok. Bouffon, va. C'est ça, espèce de grosse pomme. Alors de que merde. J'ai invité en Nouvelle-Calédonie. À 4000 euros le billet d'avion. Surtout que j'ai bien compris maintenant où était le penchant sexuel du roux, puisqu'il a préféré inviter Pablo. Ah mais moi je vous le dis depuis le début. Ah bah depuis que j'ai maigri, même plus, hein, il préfère les grosses. Ouais. C'est ça, il préfère les grosses, il a pris Pablo, c'est normal. Donc retour du QPR, lundi les 21h, puisque demain on ira chez Jean-Claude. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Et puis on va jouer à DJ Hero là maintenant avec Lucas et Benjamin qui sont là tous les deux. Comment ça va? Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Et vous-même? Ça va, ça va. Bon, ça va, tranquille. Va. DJ Hero, on va jouer maintenant. Et c'est maintenant surtout que vous allez peut-être pouvoir repartir avec le jeu DJ Hero comme toute la semaine. Et puis avec la console, la Xbox 360. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Alors attention, le concept est le concept est facile. Il y a deux, enfin c'est un bootleg qu'on va vous passer avec forcément deux chansons à la base dedans. Si vous arrivez à retrouver les deux, vous gagnez, d'accord? Ok. Et donnez votre nom, votre prénom avant, d'accord? D'accord. Bon. Okay. Allez. Attention. Premier extrait, nous allons faire péter dès qu'on aura terminé sa petite bouffe là. Hein. Bon appétit, Roux. Vous en voulez? Avec plaisir. Non. T'as pas 30 centimes, gros. Ça commence, ça commence. Attention, vous êtes prêts? Oui. Ouais, oui. Sauf qu'il n'y a pas de son, ouais. Et non. Ouais, c'est ça le détail qu'on avait omis. Hey, et si on chante deux chansons en même temps? Genre moi j'en chante une, Toff il en chante une. Ça fait un bootleg. Ouais. C'est vrai. C'est une idée, ça ouais. Peut expliquer en fait, Toff, pas branché à la console. Non, mais on n'a pas écouté avant, c'est vrai, on n'a pas vérifié. Attention, c'est parti. C'est dur, hein. J'ai les deux. Vous avez pas d'idée? I'm talking to you. Come on. En même temps, Lucas 14 ans, Benjamin 17 ans, c'est dur hein, parce que c'est quand même années 80 là. C'est top qui a pris dur. Ah je vois pas là. Non, non, non plus. Et l'autre c'est un Suédois, un DJ suédois, c'est ça? Que à chaque fois que Mickaël dit son nom, tu lui dis non, c'est pas comme ça. Eric Prydz. Voilà. Eric Prydz. Mais merde, c'est facile ça en plus. C'est plus facile ça. Ah c'est facile. Quand t'as 14 ans, c'est plus compliqué, hein. Shout. Ah, c'est un peu dur à trouver. Ah. Ah mais c'est le nom de la chanson ça. Hein. Ah oui, oui, ah d'accord. Ah oui, c'est oui. L'artiste. Non, mais ça ne reviendra pas, ça m'énerve. On l'a repassé il n'y a pas longtemps sur Énergie. Non mais ils l'auront pas, laisse tomber. Ah bon? Bon. Est-ce que là. Bah non, on l'a dit tout à l'heure. Bon bah c'était Tears for Fears et Eric Prydz. Pour faire plaisir au roux. Eric Prydz. Bon allez, c'est pas grave. Deuxième un peu plus facile là, j'espère, hein, parce que. Ouais, ça va, là c'est facile. C'est facile, c'est dans l'air du temps. Ouais. Ouais, non mais attends, hop là. Donc là c'est facile, effectivement. Puisque c'est lui-même. Ah, si vous trouvez pas là, on est dans la merde. Hein. Lucas. Lucas. Darkman. Non. Non, déjà vous en avez un, c'est le même que qu'avant là. Ouais, c'est Eric Prydz tout à l'heure, le même qu'avant. Donc ça, c'est. Il faut chercher les paroles. Ça date de 2005. C'est un groupe anglais de rock qui s'appelle les Tueurs. Les Tueurs, ouais, en anglais. Benjamin. Lucas. Benjamin. Killer et Eric Strip. Exactement. Allez, ça y est, c'est bon. Bon, allez, le dernier pour le sport. Attention. Là, ça va être du sport, je crois. Ouais, ouais, le dernier, ça va être du sport, ouais. Ah, c'est dommage parce que celui-là était peut-être plus facile à trouver. Faut voir. Pas l'autre. Alors, il y a un nouveau et un vieux là. Ouais, un nouveau et un vieux. Nouveau, ça va être facile, le vieux, c'est plus compliqué. Quoique, ah, bon, non. Putain, il a l'air chambé. Lucas. Bob G. Non. Vous voyez pas? Lucas. Ouais. Vincent, t'es qui? Non. Il y en a un. Ah, oui, il y en a... Lucas. Fifi Sen, c'est Akon. Non. Fifi Sen, c'est le récent, c'est le chanteur récent. Et puis après, il y a la musique, c'est un vieux chanteur des années 80. Qui a été repris par Puff Daddy. Effectivement. David. Son prénom c'est David. Lucas. David Bowie. Voilà. Bah très bien, comme quoi tout arrive. Bon là où il est dans la merde, c'est qu'il y a un partout maintenant. Ah bah faut faire un truc. Ah c'est bah bravo. Ah bah oui, parce que le premier on l'a pas fait. Ah bah bravo. Ah le premier on l'a pas fait, le premier ils n'ont pas trouvé. La France. Bah, je vois pas le rapport. Non mais c'est une expression qui se dit. Ah bon. Bravo, il a très bien. Bon t'en as un troisième, un quatrième pardon, toi ou pas? Aïe, ouais mais là pour combien de jours? 3 ou 4. Ah oui, quand même, ouais, d'accord, ok. Bon, bah attention. Bon, on revient après-demain, les mecs. Lucas et Benjamin. Oui. Dans quelques secondes, il y en a un de vous deux qui repartira donc avec le jeu DJ Hero. Et qui repartira aussi d'ailleurs avec la console Xbox 360. Ah, il y a les deux. Ah bah oui. Ah, charmé. Allez, on sait que t'avais pas. que la platine DJ Hero. Ah non, non, on file tout le bordel complet, hein. Mais elle existe en plusieurs couleurs, hein, je crois. Il y a grise, il y a tout noir aussi. Ah, c'est fort. Ouais. Ça je l'avais pas vu. Nous la version elle est mieux en toute noire. La version grise ici. Bon, attends parce que là pour l'instant Toff est en train de surfer dans le menu. Hein, donc les musiques qu'on passe là, c'était pas ça à retrouver. Hein. Ça va Sandro? Ouais. Bon, elle attention, en boit, hein. Première chanson. Écoutez, il faut retrouver les deux. Merde. Putain. On va faire jouer les deux. Il y a une facile et une difficile. Ah, il y a une facile et une difficile. On a une que Sandro va trouver tout de suite. Ah la vache. Ah mais non mais l'autre ça, on va jamais trouver. Attention, écoutez bien. Eh ça c'est facile. Non le deuxième c'est introuvable. Non. Les voix. Vous ne trouvez pas les gars? Non. Bah il est mort là, le malheureux là. Benjamin. Michael Jackson et... Non, c'est pas Michael Jackson, c'est la famille. Ah, Benjamin. Ouais. Jackson 5 et... Bah j'avoue que le deuxième il est hard. Oh là là. Non, le deuxième il est hard. C'est qui? Enfin, petit indice. C'est aveugle du troisième œil. Non, c'est dur. Ice Cream Blind? Non, presque. Troisième œil aveugle. Third Eye Blind. Ouais. Bah non, je viens de le dire, les gars. Lucas. Third Highlight, tu vois quoi? Non, tu veux bien, je l'ai donné. Donc vas-y, Lucas, répète correctement pour voir. Third Highlight et non. Jackson 5. Ah, non, Benjamin. Third Eye Blind. Quoi? Et Jackson 5. Répète le premier. Serge, Hyde, Fly. Non. Fly, non, c'est pas ça, non. Fly. Les gars, le troisième œil aveugle. Benjamin. Serge. Non, pas Serge. Non, Third. Aïe, ouais. Bly. C'est pas Bly, hein. Bly, Lucas. Lucas. Serge, Hyde, Back. Mais non, pas Back. Comment on dit aveugle? Benjamin. Comment on dit aveugle? Benjamin. Serge, Aïe, Blyde. Non, c'est pas Blyde. Il manque à une lettre là. Ah, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. On vous donne la réponse depuis tout à l'heure. Vas-y Lucas. Serge, Aïe, Blyde. Mais non, on l'a répété. Serge, Aïe, Blyde. Lucas. Lucas. Lucas. Serge, Hein, Blind et Jackson 5. Ah là là, c'est pas vrai. Moi je tique, hein, il dit Serge. Hein. Ah ouais, bah, putain, ils était font des bons mix, hein. Ouais, ils sont charmés, les bootlegs. Bon, bootleg, ouais. Encore, ouais, c'est bootleg, ouais. Bon, Lucas, on va te filer donc le jeu DJ Hero, même si Benjamin le méritait aussi. Mais bon, après, ça s'est joué sur le détail à la fin. DJ Hero avec la console Xbox 360. Salut, Lucas. Merci. Merci salut, Benji. Hein. Et tu reviens quand tu veux, vous retournez tous les deux au standard. Bien évidemment, nos malaises. Mickaël, le podcast. Et puis là, maintenant, on laisse la place justement à P.O.L.O. Show. On y va. Salut, c'est Alexandre Devoise. Vous êtes dans le Polo Show. C'est-à-dire le gène du talent, le petit plus qui fait que l'on peut devenir un immense artiste. Et je suis une sorte d'artiste, c'est vrai, tous les soirs je viens créer quelque chose ici. On peut appeler ça de l'art abstrait, on peut appeler ça du cubisme, hein. Ou de la connerie, mais c'est quand même un art. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, les nouveaux auditeurs, les anciens qui sont partis. Je salue tout le monde. On m'a dit de meubler, comme si j'étais un revendeur de chez Ikea ou si je travaillais dans un comment dirais-je. Comment appeler ça? Dans un magasin de meubles. Alors je vais meubler. Qu'est-ce que tu veux, hein? Michel est là au standard. Le public n'est pas là ce soir. Il fait la gueule. Paul n'est pas là. On écoute un peu de pub et on se retrouve juste après. Inergie présente le nouvel album de Johnny Hallyday. Il revient en concert pour le bonheur de tous, où il revisitera ses plus grands succès. Je t'y promets le miel au Maroc d'Ibabouche. Un salon de thé, il fait le couscous à volonté. Oh Fatih, si tu savais ce qu'il y avait dans le narguilé. Et sa chanson poignante où il avoue enfin que la crise financière l'a aussi touché. On doit tous quelque chose à notre ami Halley. Johnny Hallyday, en concert au Zénith de Paris, le 30 avril 2013 et à l'Olympia, le 32 décembre 2014. Johnny Hallyday en live, un événement énergie. Bonjour, c'est Grégoire sur Énergie, bienvenue dans le Polo Show. De retour dans le Polo Show, on y va, qui est là? Ouais, eh. Je t'écoute? Monsieur, eh? Oui, monsieur, qui se fera. Monsieur, t'es à cheval sur les principes. Bah, je suis à cheval, j'aimerais bien être à cheval sur toi, ça me changerait. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Polo. Quoi? Eh ben, je voulais dire, Polo, un truc. Ouais, bah, dis-le. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas baisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bah, Ouais, tu vas te calmer, monsieur, je ne suis pas de ce... Je ne suis pas de cette version de l'humanité, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas dit que t'étais une pochette. Ouais, t'es pas loin de me traiter de pochette, là. Mais non, t'es pas une pochette. Bon. Ouais, monsieur. Polo. Ouais, monsieur. Bah, écoute, comment... je comprends pas. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah, si y a une fille qui est intéressée par... Mais tu veux quoi, monsieur? Bah, je crois une dame. Qui est une dinde avec un cœur gros comme ça qui veut rendre service à monsieur A et qu'elle soit. Elle est là, bienvenue monsieur A, c'est ça? Elle est là, Sandra? Non, il n'y a personne. Non, elle est pas là. Quoi? Je remercie pour son texto. De rien. Je lui dirais. Mais tu veux fourrer. Attends, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dinde que tu veux fourrer. Bah, justement, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fourré. Je voudrais fourrer, Sandra. Écoute, on va lui un mail. Monsieur, on va y aller. Ça pousse? Ça pousse grave. C'est pas que ça pousse, là. C'est à l'intérieur carrément là. Ah ouais, j'aimerais bien y être à l'intérieur. Allez, monsieur, au revoir. Quoi? Quoi? Il est là, Michael? Non, il est pas là. Qui est là? Un autre auditeur, on y va. Ah quoi oui, allô Polo. Allez, salut. Allô, c'est Johnny Hallyday. Non, oui. Qu'est-ce que tu veux, Johnny Hallyday? Ouais, je voulais te dire que moi par contre je vais très bien. Je sais pas comment il va l'autre, l'imposteur, mais moi je vais très bien. Je ne sais pas. Bah, je serai bien aux Zénith de Paris. D'accord, bah ça me fait plaisir, Johnny Hallyday. Bah écoutez, voilà, je voulais savoir si c'était possible que je passe peut-être en interview dans ton émission pour faire la promotion possible. De mon nouvel album. Non, c'est pas possible. J'ai une nouvelle chanson qui se prépare. Ouais, mais non, on va pas faire comme ça ce soir. Ah bon, parce que tu reçois les tragédies, mais tu veux pas recevoir Johnny Hallyday. Non, je reçois pas les tragédies, je t'assure. Moi on m'a dit que tu avais reçu les tragédies. Ah oui, mais alors... ça c'était on était à Cannes sur un yacht, on pouvait se le permettre. Mais je fais pas les invités, je suis pas bon, je suis très mauvais. Si c'est que ça, je peux venir à Cannes, tu seras à Cannes pour aller. Non, c'est ça ira. Ah je bon sais pas faire les interviews. Au revoir Johnny. Ah, je suis déçu pour l'eau. Ah ok, bah c'est ça me fait plaisir. Ciao, qui est là? Ouais, salut espèce de bâtard, ça. Salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, c'est Youssef au téléphone, t'as vu? Salut Youssef. Bang bang. Tac tac bang bang. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Youssef? Ouais, je suis là pour vendre un truc, t'as vu? Tu veux vendre quoi? Je vends un truc de ouf, un truc de malade, un truc de dingue, un truc de psychopathe. C'est quoi que tu vends? Putain? Quoi? C'est quoi? C'est une rubrique radio, mec. C'est quoi je veux vendre à Mickaël une rubrique radio, ou alors s'il en veut pas, je te fous que dans ton émission de merde. C'est quoi que tu veux? Alors t'as vu le concept, c'est trop fort, t'as vu? Parce que je suis là et en fait je fais la météo mais version Kaira, t'as vu? Vas-y, fais-en un bout là pour voir, vends ça. Tu veux que je te fasse un bout, t'as vu? Vas-y. Alors t'es enculé, tu vas voir, demain il faut pas que tu sortes parce qu'il va faire froid, ça rase, ouais. T'as intérêt à sortir la doudoune et à remettre le capuche sur tes oreilles. Et puis en plus il va pas faire beau, t'as vu? Alors ouais. T'as intérêt d'aller au point soleil pour si tu veux bronzer, t'as vu, espèce d'enculé de ta race. Ouais. Voilà, c'est quoi, vulgaire, la météo, tout ça. T'as vu? Tu veux que je te fasse l'éphéméride? Non, c'est là, tu te mets dans le cul l'éphéméride. Youssef, ouais. Ça va aller? Ouais. Non, on va proposer. Ça va aller quoi? T'as vu? Non, je la vends écoute... pas cher en plus, t'as vu? Ouais, mais on est pas assez bon pour toi, on est pas le top, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave, t'as vu? C'est juste un piédestal comme ça, je pourrais poser plus haut après. Piédestal, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça, un piédestal. Ouais. Bon. Sinon, si tu veux, je la fais gratuit. Non, c'est la rubrique. Non, Youssef, je te remercie. Non, si tu veux, je te paye. Non, mais vends là. Tu la prends la rubrique. Non, c'est ira. Youssef. Quoi? Dégage d'ici. Qui est là? Allô? Allô? Ouais, qui? Allô? Oui. Je suis caché dans la forêt. Quoi? Je suis caché dans la forêt. Eh ben, c'est bien. C'est qui je suis? Non? Gloom? Je suis pas connu. Qui? C'est Jean-Pierre Trébert. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Pierre Trébert? Il faut que je t'aille me chercher. Bon, ok, on vient de chercher. Bon, allez, casse-toi. Qui est là? Allô? Ouais. Écoute, tu peux m'aider, là? C'est qui? Je me suis cassé un ongle. Tu peux appeler un médecin en urgence? Ouais, je vais faire ça, ouais. Ça urge, là. C'est quoi ton prénom? C'est Michel. Tu l'as cassé comment, ton ongle, Michel? Écoute, là, j'étais en train d'écouter le polo show. Et puis, normal. Il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Hein. Ouais. Retournage d'ongle. Bon, bah tant mieux. Ça bon, si tu peux appeler un médecin, les urgences. Je fais ça tout de suite. Michel, t'es merci où beaucoup. T'es où exactement? Ah, là, je suis de rue Boileau, pas loin. Eh bah crève, allez, casse-toi d'ici. Qui est là? Polo. Ouais. Ah. C'est qui? C'est Thomas? Oui. Thomas? Oui. Il est minuit 12. Quel âge t'as, rappelle-moi? 13 ans. 13 ans. Est-ce que tu as fait tes devoirs ce soir? Mais avant que tu... Je m'en fous. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, mais attends, écoute-moi. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui. T'as mangé? Oui. T'as mangé toute ton assiette? Oui. T'as mangé quoi? Mes macaronis. T'as mangé tes macaronis? Oui. Est-ce que tu t'es brossé les dents? Oui. Est-ce que t'as mis ton petit pyjama Tortue Ninja? Ah non, c'est Power Rangers. Tu l'as mis? Oui. Bon allez, casse-toi, tu vas aller dormir maintenant. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo show, je tiens à remercier un ami personnel, quelqu'un qui me soutient tous les jours, c'est Paul. Paul, le stagiaire, est quelqu'un qui tel une béquille, me fait avancer dans la vie. Voilà, je tiens à te dire ça, Paul. Voilà, monsieur est Monsieur est Monsieur est Polo. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, Polo? J'ai oublié de te dire. De quoi? J'ai fait un rêve cette nuit. C'était quoi? J'étais très inquiet, je me suis réveillée en sursaut. C'était quoi? Et les minutes 13, Polo. Eh ben, j'ai rêvé déjà que j'étais copain avec Eikel. Ouais, bah oui. Et puis, bon, voilà. J'ai rêvé que j'avais reçu un texto de Jack. Ouais. Mais j'ai bien rêvé, ça, c'est sûr. Ouais. Et t'as rêvé que t'as couché avec Sandro. Je baisais Sandra. Bon, écoute, je pense que c'est un rêve. On va y aller, monsieur, et au revoir. Merde. Allez, casse-toi, c'est Chef Le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car tous les soirs, grâce à eux, je suis dernier. Et ça, c'est... comment dirais-je? C'est beau. Ouais, c'est ça. C'est très beau. C'est le mot. Parfait. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.